Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 48. Alors, je procède au rappel traditionnel. Premièrement, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email. Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez nous contacter sur cette adresse pour poser une question, peu importe laquelle, ou si vous désirez nous faire connaître une information, quelle qu'elle soit, que ce soit une coupure de presse que vous avez trouvée en ligne, une information que vous voulez nous communiquer, peu importe, écrivez-nous à cette adresse. Nous vous annonçons aussi que nous avons un nouveau site internet qui est démocratie.participative.online. Online, nous sommes en ligne malgré la censure gouvernementale. Le site qui héberge ce podcast est désormais accessible. Vous le savez puisque vous écoutez cette émission, mais bon, je le rappelle à toutes fins utiles que vous pouvez consulter le site sur cette nouvelle adresse démocratie.participative en un seul mot .online. Alors j'invite aussi tous nos auditeurs qui écoutent ce podcast à le partager. N'hésitez pas à partager vous voyez, de personne à personne, par email, par lien. Vous pouvez le démultiplier, ce podcast, en l'hébergeant sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à disséminer en fait le contenu, puisqu'il s'agit d'une lutte asymétrique contre la censure gouvernementale. Donc plus vous pouvez réhéberger le podcast sur une plateforme X ou Y, ça peut être YouTube, etc., sous d'autres noms, enfin peu importe, soyez imaginatifs, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, je vous invite aussi, si vous le voulez, si vous trouvez que ça vaut le coup, à nous soutenir financièrement, hein, uniquement par crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum ou bien Monero. Monero étant la monnaie la plus anonyme d'entre toutes. Les autres sont quand même pas mal non plus. Donc, vous pouvez nous faire un petit don mensuel. Si vous avez plus de moyens, n'hésitez pas non plus. Voilà, ça permettra au site de tenir techniquement le coup sur la durée, car vous n'aurez pas manqué d'observer que les ennemis sont nombreux. Mais comme dit l'adage, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Alors, je vais maintenant présenter nos participants de la semaine, une équipe solide. Je vais commencer avec l'ami Hopman, Captain. Comment vas-tu? Hopman ist gut, very good. Écoutez les enfants, vous m'avez vendu du rêve ce week-end. La France est à feu, pas encore à sang. L'insurrection pointe le bout de son nez. Maintenant, à savoir, allons-nous pouvoir la récupérer et la mener vers le but qui est le nôtre? On va en parler dans la deuxième partie de cette émission et un petit peu en première partie. Nous avons aussi cette semaine avec nous Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf et salut à tout le monde. Également présent Pierrot, salut Pierrot. Salut Gandalf, salut toute l'équipe. Fulbert est aussi avec nous. Bonsoir Gandalf, bonsoir à tout le monde. Et enfin, Derek est présent aussi cette semaine. Salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, mes petits amis, une semaine très riche en rebondissements. Et on continue sur la lancée de ce mouvement, de notre mouvement populiste, hein, en fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tellement populiste, en fait, qu'il ne passe même plus par les partis politiques, il passe par l'action directe, hein, c'est très clair. Et c'est un mouvement populiste qui est composite. Hein, c'est certain aussi, comme en Italie, mais en Italie c'est plus structuré autour des partis politiques. Alors, on aura l'occasion de revenir abondamment sur tout ça, même si la semaine dernière on a déjà fait un tour d'horizon. Alors, première rubrique, courrier des lecteurs. Premier courrier de cette semaine, bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je vous adresse ce courrier pour vous faire part de mon témoignage, de mes impressions et de mes remarques concernant l'insurrection nationale des Gilets jaunes. Le deuxième samedi de l'insurrection, la semaine dernière, à l'heure où je vous écris, je me suis rendu à une manifestation de gilets jaunes devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire, là où j'habite. Sociologiquement, comme partout en France, on a une majorité de retraités et de travailleurs d'une moyenne d'âge d'environ 40 ans, peut-être un peu moins, tous sans exception, blancs. Dès la première minute où je suis entré dans cette foule d'environ 300 personnes, j'ai compris que la tête du mouvement local avait été volée par les rouges. Les banderoles et le micro étaient à eux, de là ils contrôlaient la parole pour tout un parterre de militants rouges, syndicalistes, retraités, ainsi que quelques jeunes dont des punks à chiens absolument répugnants. Après de longues minutes à écouter les paroles lancinantes de retraités et de femmes, un homme à l'extrémité de la foule, à parole d'une forte intonation, si bien que l'on n'entendait même plus les intervenants au micro. Cet homme, accompagné de 3 ou 4 personnes, d'un discours véritablement socialiste, dans le bon sens du terme, interpelle les gens par son fort caractère et ses mots justes. Il incite les gens à prendre la préfecture de force, ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Celle-ci étant barricadée et ne voulant pas nous laisser entrer pacifiquement. Cet homme, visiblement pressé par le temps et par les regards insistants des flics, s'en alla dans une rue. Je décidais d'en apprendre plus sur ce personnage charismatique. Après l'avoir rattrapé, j'apprends qu'il vient de Nantes, que c'est un ancien militaire, qu'il pourfend légitimement le principe des travailleurs détachés. Il y en a énormément à Saint-Nazaire, je pense à cause du port, et me dit avoir des idées en commun avec Marine Le Pen. Je pense en vérité qu'il était bien plus à droite, qu'il ne le laissait entendre, mais pas plus de discussion, il doit repartir à Nantes dans la minute, et nous disons adieu. Nous avions là sûrement un chef et aucun homme autre que moi et un ami. Je reviens vers la foule qui décide de rejoindre la gare. Motivé par cette discussion et parce que, pour être honnête, j'étais venu ce jour-là pour prendre cette sous-préfecture et pas pour écouter des gens parler, je décide d'interpeller directement les têtes du mouvement pour les inciter à passer les grilles de la sous-préfecture. Ils m'écoutent et nous faisons le tour du bâtiment afin de trouver un passage. Mais c'est un peu tard. Les grilles sont très hautes, une partie des gilets jaunes est déjà partie vers la gare et les jeunes, comme moi, manquent à l'appel pour ce type d'action. Un type qui se révélera être un indique de police veut prendre la mairie par la violence. Celle-ci est fermée le samedi après-midi. Nous décidons finalement de rejoindre l'autre groupe parti plus tôt. Arrivé dans le centre-ville, je vois une vieille peau de la bourgeoisie arriver pour savoir ce que nous allions faire parce que, droit devant nous, se trouvait la manifestation des « féministes nous toutes ». Entre guillemets. Nous sommes en plein milieu de leur manif de merde et j'ai pu voir à quoi ressemblaient ces ennemis déclarés de l'homme blanc, 80% de vieilles peaux ménopausées, le reste étant des trucs au piercing et au maquillage étranges, proprement imbaisables si je puis me permettre. Après de nombreux détours et une longue marche, nous arrivâmes devant un bâtiment abandonné appartenant à l'État mais en excellent état. Un bâtiment où on pourrait loger facilement plusieurs dizaines de personnes dans le besoin tant il est grand. Les 2-3 chefs rouges avaient fort bien préparé leur coup. Depuis le début, ils avaient l'intention de s'emparer d'un lieu pour mieux organiser la lutte. Fort bonne idée que tous les gilets jaunes de France devraient prendre. S'emparer d'un lieu abandonné qui n'appartient pas à un particulier, comme il y en a des milliers sur le territoire. Vous pouvez y imprimer des tracts, former des assemblées générales pour mieux s'organiser dans les actions à venir et la propagande à réaliser. Vous pouvez aussi en faire une réserve de nourriture et d'eau que les gens donnent généreusement. Un ravitaillement en quelque sorte qui peut être distribué là où les bloqueurs bloquent ou pour les gens dans le besoin. Vous y mettez l'électricité si c'est possible, avec un peu d'aménagement, et vous avez un QG parfait où la lutte peut s'organiser pour longtemps. Le chef qui se dégage de ses têtes rouges est un type plutôt intelligent, de moins de 30 ans, qui a participé à toutes les contestations sociales des 3 dernières années. Il est très proche des syndicats et j'ai cru comprendre qu'il avait participé à la ZAD. Son Facebook, il me le donne, bon. C'est un type déterminé que je sens comme tel. Il contrôle la page Facebook de ce bâtiment renommé la Maison du Peuple. Bah, ça s'invente pas. Hein. Ce qui renforce sa position. Tout cela pour dire que l'extrême droite, bien qu'elle puisse agir par la grâce de quelques individus ici et là, et que j'encourage encore à lutter, manque clairement d'organisation contrairement à l'extrême gauche. Nous l'avons vu encore samedi dernier à Paris, où l'extrême gauche a pris le contrôle de l'insurrection par sa violence toute caractéristique. Le drapeau rouge flottait sur Paris et les nationalistes étaient noyés dans la masse. Ils ont été incapables de se regrouper en masse pour défendre les vrais gilets jaunes. Ça pose de lourdes questions quant aux divisions des nationalistes. Les nationalistes français me paraissent très isolés, trop isolés. Il faut qu'ils rompent avec leur isolement, qu'ils arrivent à se regrouper en peu de temps, avec efficacité et en nombre. Il nous tiendra au courant de l'évolution sur son secteur, voire ailleurs. C'est signé Maximus. Je tiens à remercier Maximus pour ce très éclairant compte-rendu de ce qu'il a vécu donc dans la région de Saint-Nazaire, en Bretagne, je le souligne. Mais il a aussi, visiblement, il est très au courant de ce qui se passe ailleurs. Donc là, je vous donne la parole un petit peu à tous. Donc la thématique, désorganisation des nationalistes et très bonne organisation de la part des forces de gauche radicales, des communistes. Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Moi, je dirais, je valide son constat. Effectivement, j'ai l'impression que les forces de gauche sont plus organisées, ils ont plus d'expérience là-dessus. Il n'y a pas de honte à le dire, on peut au moins leur reconnaître ça. Pour sa volonté de trouver un local et d'avoir ça comme base, pourquoi pas ? Je trouve que c'est pas spécialement idiot. Je pense qu'il y a des groupes comme Casapo et des Bastions Sociales qui ont déjà commencé ce genre d'initiative avec plus ou moins de succès. Donc voilà, pourquoi pas ? Je pense que c'est pas trop con. Donc ça, c'est sur la méthode, hein. Qui d'autre ? Alors, sur le comparatif entre ce que font effectivement très bien au niveau organisation de l'extrême gauche et ce que nous ne pouvons pas faire, il faut voir que nous ne jouons pas avec les mêmes règles du jeu. c'est pas la même histoire, quoi. Ces gens-là ont une relative, comment dire, sont connus des services, ils sont souvent travaillés en cheville avec certains groupes de police. Ils ont le soutien de politique directement, ils ont le soutien de magistrats, donc c'est plus facile effectivement de s'organiser quand tu as tous ces appuis là et qu'on te fout la paix, hein. En gros, dès que tu vas faire une réunion à 5 à 10 mecs extampillés extrême droite raciste, ben ça va pas, tu es un danger à la sûreté de l'État, on te fiche. Donc c'est pas la même histoire. Donc mode d'organisation différente, mais règles du jeu différentes également. Voilà, on peut pas faire la même chose, clairement, c'est sûr. Alors, ceci étant dit, ça n'exclut pas l'organisation, mais qui d'autre là-dessus ? Bon, on le voit aussi dans le domaine syndical, c'est-à-dire que les syndicats qui étaient un petit peu de droite, quand le FN par exemple, qui était plus Canal Historique, il y a une vingtaine d'années, voulait faire des syndicats, FN Police, etc., ça a été dissous. Et par contre, les syndicats qui ont subsisté, c'est des syndicats tous estampillés à gauche. Donc, quel que soit ce qu'on pense des syndicats, quel que soit le manque de représentativité, le manque de syndiqués aujourd'hui, il n'empêche qu'ils en gardent une culture de l'organisation, de comment déléguer, comment prendre la parole, comment se distribuer la parole. Voilà, et nous, on est beaucoup plus éparpillés, et c'est difficile pour nous de s'organiser, c'est clair. Bah. Déjà, il y a une chose très importante, c'est que la gauche radicale a une culture de l'activisme, en fait. Donc c'est de l'action directe. C'est des occupations de lieux. Par exemple, déjà, la première chose, c'est que la gauche radicale se fout de la loi. Il faut comprendre ça. Et comment dirais-je ? Alors, je ne parle pas de la droite réactionnaire qui, par définition, n'est pas de droite, mais simplement l'aile droite du système. N'oubliez jamais de faire cette distinction. Mais on a un problème, c'est que nous, on aime l'ordre. Mais si c'est pour respecter l'ordre juif en place, ça ne mène à rien. Bon. Les gens de gauche, en général, sont très à l'aise avec la transgression, ça va sans dire, mais avec le fait de violer la loi. C'est-à-dire que c'est absolument normal, à gauche, de violer la loi. Quand il y a une loi qui vous déplaît, vous la violez. Ça, c'est l'axiome principal de la gauche. Hein. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Bah, c'est comme ça. C'est-à-dire, donc, ces gens, quand jadis, dans les années 60-70, on leur interdit, la loi interdisait de faire certaines choses, je sais pas, au niveau sexuel, homosexualité, ou des choses comme ça, ou, bon, même si c'est plus que nominal déjà à l'époque, je veux dire, bon, de toute façon, c'est des gens qui ont systématiquement appelé à violer la loi. Et vous avez vu où ça mène. C'est-à-dire que ça, 40 ans après, vous avez l'union civile des homosexuels ou des lesbiennes, etc. Bon. Et c'est vrai comme ça pour tout, en fait. Donc, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils le prennent de force. Premièrement. Deuxièmement, ils ont évidemment dans ce système qui est dans les principes fondateurs, je veux dire dans cette démocratie crypto-marxiste. De toute façon, l'axiome est l'égalitarisme. Donc de toute façon, si vous êtes égalitariste militant, en fait, il y aura toujours une bienveillance à votre égard. On dira que vous en faites trop, que vous êtes peut-être trop radical, trop agité, mais globalement, vous êtes quand même dans le camp du bien. Vous voilà. Êtes dans le camp du bien. Vous avez de voilà. Bonnes intentions. Hein vous, si, vous avez de bonnes intentions. Voilà. Garder votre pays, faire en sorte que votre pays ne soit pas une poubelle raciale, c'est mauvais. Mm. Déjà, vous êtes un enculé. T'as frappé personne, mais t'es une merde. Alors, donc, on l'a vu avec la ZAD, ça. C'est-à-dire que la ZAD, ça a duré des années et des années. Vous aviez une occupation carrément de... Ça, c'était ce qu'on appelle... Bon, dans les guides, je veux dire opérationnels marxistes, c'était une zone libérée. Une zone libérée, c'est une zone qui est sous le contrôle du Parti communiste. Hein. Donc c'était quoi la ZAD ? C'était une zone en fait où l'État n'avait plus aucune autorité et qui était gérée directement par une espèce de soviet, hein, ou autogérée comme disent les anarchistes, qui s'occupait de ce territoire-là, où il y avait, qui était devenu une plaque tournante de l'agitation, etc., une réserve aussi pour planquer un certain nombre de personnes, bref. Donc c'est des gens qui n'ont aucun problème avec le viol de la loi, et qui prennent plaisir à violer la loi, et donc qui connaissent, qui savent, qui maîtrisent, on va dire, toutes les tactiques pour contourner la loi, contourner les mesures adoptées par le gouvernement pour essayer de les neutraliser. Et c'est vrai aussi, bien sûr, dans les manifestations. C'est des gens qui vont aux manifestations pour en découdre avec les flics. Hein. On les voit à Rennes, à Nantes, surtout avec la ZAD, on les a souvent vus aller faire des descentes à Nantes pour tout casser en ville, casser des magasins, etc. Donc c'est des gens qui viennent pour ça. Ils viennent pour en découdre. Ce sont des gens violents. Donc non seulement ils n'ont aucun problème avec le fait de violer la loi, mais aussi ce sont des gens profondément violents. Parce qu'ils estiment que leur violence est légitime. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que leur but affiché est le pacifisme, ils sont antimilitaristes, ils sont féministes parce qu'ils prêtent, comment dirais-je, aux hommes, comment dirais-je, une propension à la violence et à la guerre, etc. Mais quand vous regardez au quotidien ce que font les mecs d'extrême gauche, ce sont des gens extrêmement violents. Pour eux, la violence est légitime en soi. Donc, entre la bienveillance dont ils bénéficient au plan culturel dans ce système, notamment de la part d'un certain nombre de magistrats, je ne parle même pas des journalistes, de l'impunité aussi qui accompagne ça, du fait qu'ils n'ont aucun tabou parce qu'ils sentent bien que la violence, ça paye pour eux, effectivement, quand il s'agit de mener des opérations, les types n'ont aucune espèce de retenue. Ils le font pour les sans-papiers, comme on dit, les sans-papiers, les clandestins, quoi. On a envie de loger des clandestins ? Pas de problème, on repère une baraque vide et on colle des nègres dedans, voilà. Et vous avez qu'à remarquer, ça corrobore ce que je dis, même si c'est une notoriété publique, Vous avez eu toute l'adaptation, toute une jurisprudence qui a été, et des modifications de loi sous la pression de cette extrême gauche, qui ont été incluses dans le droit français, qui font que le propriétaire aujourd'hui d'une maison est pratiquement dépourvu face au squatteur. C'est qu'en moyenne aujourd'hui, il faut deux ans à deux ans et demi pour que le légitime propriétaire d'une maison fasse expulser sa résidence si elle est occupée par des crasseux d'extrême gauche, des migrants, etc. Deux ans et demi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc si vous avez des loyers pour rembourser, etc., vous êtes absolument détruit, quoi. Pendant deux ans et demi, vous n'allez rien percevoir, la maison va être détruite, parce qu'il faut voir qu'ils prennent en plus plaisir à tout foutre en l'air là-dedans. Hein. Ouais, donc, deux ans et demi pendant lesquels, en plus, tu dois payer toutes les factures afférentes aux 10 biens immobiliers. Et eux, il leur suffit de rentrer, de se faire envoyer un courrier par une administration ou même un organisme quelconque, et voilà, c'est leur résidence. Bien, hein ? Et les mêmes actions, ouais. les mêmes actions, mais pour pas des clandestins, mais pour des Français, des vrais Français, qui ont les papiers et tout, donc ça devrait être vraiment plus facile à faire. Mais quand c'est le bastion social qui fait ça, eux par contre, c'est la même action, hein. Eux par contre, bah, ils sont vraiment tapés sous les doigts, quoi. Ah bah non, ils sont même évacués en quelques semaines. Oui, voilà, bien sûr. Quelques semaines. Alors, comment dirais-je, précisons aussi qu'il y a eu la fameuse, que Chirac avait fait passer cette loi, le droit au logement opposable, on parle pas de cette histoire du pacte de Marrakech sur les migrations, parce qu'on n'a pas le temps, on est chargé, mais ça revient à plus ou moins à un droit opposable à l'immigration. C'est-à-dire qu'a priori, les clandestins ont le droit d'être présents en France, c'est à vous de faire la démonstration qu'ils n'ont pas à être présents ici. D'accord. Deuxièmement, le logement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'a priori, ils ont le droit de prendre un logement vide. C'est à vous de faire la démonstration qu'ils n'ont pas à être là. D'accord. Donc, ça, c'est Chirac. C'est la droite gaulliste. D'accord. C'est la droite gaulliste qui fait passer les mesures de l'extrême gauche trotskiste. Donc, je veux dire, quand on parle de droite, de machin, ça ne veut rien dire. Regardez bien la dynamique générale. Donc, pour en revenir au courrier de départ, il n'est pas étonnant, parce qu'il cite d'ailleurs la ZAD, il n'est pas étonnant de voir des jeunes de 20-30 ans, d'extrême gauche, qui sont rompus à toutes les tactiques d'agitation, qui savent, en dernière instance, qu'ils ne risquent absolument rien avec les magistrats. Eh bien, évidemment, ils se sentent pousser des ailes. En fait, ils bénéficient de l'oxygène nécessaire qui leur permet ensuite de disposer de, comment dirais-je, d'organisation, de réseau, de s'entraîner régulièrement à mener des opérations et donc d'accumuler du savoir-faire, de l'expérience. À côté de ça, bon, je crois que de toute façon, il y a deux choses qui nous séparent parce que, on va dire, les militants nationalistes sont des gens dont la personnalité est beaucoup plus forte. C'est, je veux dire, l'individu a beaucoup plus d'importance, on va dire, à droite qu'à gauche, mais c'est encore plus vrai à l'extrême droite par rapport à l'extrême gauche. Mais ce qui fait qu'en fait, l'extrême droite arrive à surnager parce qu'il y a toujours une ou deux ou trois, quatre individualités qui sauvent l'affaire, en fait. C'est-à-dire que là où des mecs de gauche seraient complètement désemparés parce que ça taperait trop fort, vous allez avoir un bonhomme qui va... réussir à retomber sur ses pattes, bon an mal an, parce qu'il a de la ressource, il sait comment s'y prendre, et voilà. Mais ça va être beaucoup plus de la prise d'initiative, de l'improvisation. Alors que les gens de gauche, effectivement, c'est l'organisation. Maintenant qu'on a dit ça, globalement, quand même, la gauche radicale est très essoufflée. Hein, on est quand même sur une fin de cycle, hein, quand même. Hein. C'est plus les grandes organisations communistes. Oui, mais bon, ils ont encore un peu de ressources. L'auditeur en question, bon, il vient de Bretagne, ça c'est particulier, c'est une terre de bolchevisme hein, quand même. Et c'est pas partout pareil, hein, tout ce qui est gilet jaune, moi j'ai vu... Non, en fait, c'était pas... Oui, ce qui souligne, là, c'est qu'en fait, les gilets jaunes à Saint-Nazaire ne sont pas des gilets jaunes en réalité, hein, c'est ça qu'il veut dire. Oui, c'est les rouges, quoi, c'est les rouges. C'est les rouges, oui. Dans le sud, hein, c'est pas la même histoire, quoi. Hein. On a eu des histoires de mecs de la CGT qui se font virer, enfin voilà... Ouais. Ça passe pas quoi. Non, mais bon, Saint-Nazaire, bon, il y a une histoire, hein, c'est un port, tout ça. Donc, vous avez une présence du Parti communiste. Ah, bon, il y a aussi une explication à tout ça. Mais alors, pour revenir sur l'organisation, on va avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie. Mais clairement, je veux dire, si vous voulez exister dans les manifs, si tant est que c'est un objectif. Comme à Paris, déjà, faut pas avoir chacun 40 bannières, hein. Déjà, faut même pas les déployer pour commencer. Et ensuite, il faut pas, oui, mais moi je suis tel groupe, tel machin. Non, vous êtes tous nationalistes, vous donnez rendez-vous dans le même secteur, vous formez un bloc, un white bloc, faut créer des white blocs, il y a les black blocs, faut former des white blocs, et vous demandez pas aux gens quels sont leurs appartements. Non, vous avez tel groupe, tel truc, telle crèmerie, on s'en fout. Il faut que le jour J, si jamais il faut être présent, il faut que les gens se rassemblent et point barre. Et le lundi, ils reprennent leur étiquette. Mais je veux dire, il faut effectivement une organisation minimale. Une organisation minimale. Mais parce que sinon, effectivement, vous vous faites prendre en otage. Hein. Sinon, c'est les slogans des autres. Hein. On va reparler dans la deuxième partie, mais sinon, vous vous retrouvez avec des slogans sur Adama Traoré. Quoi. Bon, faut bien comprendre que si vous n'êtes pas présent et organisé, ouais, vous l'aurez dans l'os, ça, c'est certain. Voilà. Mais ça se prépare, ça se travaille, et il faut peut-être un petit peu laisser tomber de côté ces histoires d'appartenance à des chapelles dont tout le monde se fout, pour former un seul bloc qui se donne un objectif très clair, c'est d'être présent dans la rue, quand il y a besoin. Voilà. Ouais. Si quelqu'un... Ouais, vas-y, Alex. Bah, disons que, oui, que les gens de gauche eux-mêmes, ils arrivent en fait à dépasser leurs contradictions. Avant, vous avez des groupes comme la CNT, ils se revendiquent de l'anarchie, donc ils veulent détruire l'État bourgeois, l'État capitaliste, etc. Donc ils font la guerre aux flics. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, les flics les cartonnent, mais... Parce que justement, les flics savent que ces militants-là ont tapé eux-mêmes sur leurs collègues. C'est pour ça que dans un premier temps, on peut avoir l'impression que ces gens-là sont réprimés par le système. Après, justement, en justice, il n'y a pas de condamnation. On l'avait vu avec Bernanos, là, le petit-fils de l'écrivain, Antonin Bernanos, qui avait allumé un cocktail Molotov, qu'il avait mis dans une bagnole de flic. Ouais, c'était un policier basané, d'ailleurs. Ouais, et il n'y a pas eu une peine extrêmement lourde, hein, mais... Voilà, ce que je veux dire aussi, dernier point, c'est qu'au-delà de leurs contradictions, par exemple, vous avez la CNT qui est complètement anarchiste, qui est anti-État, puis vous avez d'autres franges de la gauche extrême qui vont dire « Nous, ce qu'on veut, c'est de la redistribution. » Donc la redistribution ne peut exister que par le biais de l'État. Ce sera à l'État de taxer encore plus. Alors, évidemment, on est déjà les champions du monde des taxes. Mais... Et c'est le sujet sur lequel on va revenir, bien sûr. Ouais. Et, ça pour dire, au-delà de leurs contradictions, ils arrivent quand même à se solidariser et à faire des mouvements, et puis à faire de l'insurrection. Ouais. Bah oui, voilà, mais j'ai entendu là, des gens, ouais, il faudrait déployer nos bannières. Non, oubliez ça. Je veux dire, écoutez, d'ailleurs, ça, c'est révélateur, ça colle avec ce qu'on dit. On a dit qu'il y a une impunité, qu'il y a une bienveillance naturelle du système, parce que le système a été créé un peu dans les mêmes conditions, on va y revenir, et que dans les tribunaux, ils ont un traitement extrêmement favorable. C'est absolument vrai, mais c'est aussi, comment dirais-je, il faut comprendre que, comment dirais-je, quand vous écoutez Castaner, quand vous écoutez Nunes donner des cibles, il cite très peu l'extrême gauche, il parle d'ultra droite, alors qu'on sait très bien que les mecs qui viennent vraiment pour en découdre avec les forces de l'ordre sont des mecs de la gauche radicale. Et ils le font à dessein, c'est-à-dire que Castaner comme Nunes savent parfaitement que c'est le cas, mais pourquoi ils refusent de viser la gauche radicale? Parce qu'en fait, pour deux raisons. D'abord, politiquement, ils essayent de gratter les voix de la gauche, donc ils ne veulent pas se mettre en porte-à-faux avec la gauche radicale. Deuxièmement, ils la craignent. Donc, pour des raisons de communication, comme il est entendu que le camp de la gauche, c'est le camp du bien, et que le nationalisme ou l'extrême droite, ou ce qu'on voudra, c'est le camp du mal et du diable, bah, de toute façon, mieux vaut cataloguer votre adversaire comme appartenant à ce camp-là, c'est plus facile à diaboliser. Donc même s'il n'y a pas de gens d'ultra-droite, on va de toute façon les classer à l'ultra-droite, ça n'a pas dû faire d'ailleurs forcément rigoler les anarchistes présents ou les communistes présents de se voir présentés comme étant des militants fascistes, mais bon. Mais ça dit quelque chose, ça veut dire que le système a un a priori contre les nationalistes, comme le dit très bien Castaner et Nunes sur la question de la droite radicale ou de l'ultra-droite, comme ils appellent ça, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si vous déployez vos bannières, vous allez enfin leur donner l'élément de communication qu'ils attendent. Donc non, ne déployez pas vos bannières, rassemblez-vous et soyez présents dans la rue, alors pour faire ce que vous voudrez. Ça c'est à vous, c'est aux gens qui participent de définir les conditions de leur participation à une manifestation ou une protestation. Mais soyez unis, formez un white bloc. N'allez pas isolément, comme ça, les mains dans les poches, juste pour marcher quelques kilomètres dans une manifestation. Vous allez vous faire exploser la gueule si vous êtes reconnu, c'est sûr. C'est sûr. Donc, grave défaut de désorganisation, indubitablement. Indubitablement. Voilà, sur cette question, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Toute petite chose, une des raisons aussi pour lesquelles l'extrême gauche bénéficie d'une bienveillance, c'est qu'idéologiquement, ce sont les idiots utiles du système. C'est-à-dire qu'ils souhaitent, ils sont no borders pour beaucoup, ils veulent l'immigration sans contrôle, sans frontières. Mais l'État français accueille 400 000 immigrés par an, davantage encore, et en signant tous les pactes possibles favorables aux migrations, évidemment qu'ils veulent encore accentuer ça. Donc en réalité, l'extrême gauche prétend combattre le système, et elle le complète, ou elle le justifie totalement, puis ça permet d'ailleurs parfois à des gens comme Valls d'apparaître comme quelqu'un de rigoureux vis-à-vis de l'immigration. Oui, oui, ça sert à... C'est un excellent alibi en disant, vous voyez... l'extrême droite nous critique, mais en fait, vous voyez, il y a beaucoup plus radicaux que nous. Nous sommes finalement très modérés, nous sommes médians, etc. Bon, tu prends entre 400 et 500 000 arabes et nègres dans la gueule chaque année, mais les mecs arrivent à se présenter comme raisonnables parce que à côté de ça, si tu veux, t'as des black blocs qui effectivement revendiquent l'abolition des frontières. Bon, soyons sérieux, il n'y a plus de frontières. Ils revendiquent quelque chose qui dans les faits, est déjà en place. Il n'y a plus de frontières en France. Ça n'existe plus. Les nègres passent devant les caméras de la télévision d'État, les frontières depuis l'Italie ou depuis l'Espagne. Aucun d'entre eux, pour ainsi dire, n'est interpellé. Vous avez Cédric Héroux qui est reçu à Cannes en grande pompe. Il est décoré par la LICRA, etc. Bon, je veux dire, les idées fondamentales de l'extrême gauche pro-immigration sont au pouvoir. Sont pas dans l'opposition, elles sont au pouvoir, d'accord. Sinon, c'est pas Cédric Héroux qui serait reçu à Cannes, ce serait Hervé Ryssen ou Yvan Benedetti, d'accord. Bon, donc soyons sérieux un petit peu 5 minutes. Donc ces gens, je suis d'accord avec toi, sont des gens violents, sont des gens qui veulent en découdre en fait avec les institutions, mais leurs idées ne sont pas du tout en rupture avec le système. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que leurs idées, le sans-frontiérisme radical, est au cœur de l'idéologie dominante. Absolument au cœur, quoi. Rien de nouveau, quoi. Mais ils sont violents, ils tapent sur les flics. Voilà, ce qui leur donne le côté un peu subversif, disons, vis-à-vis des pouvoirs constitués. Exactement. Et toute petite dernière chose, c'est qu'on le voit à Calais, c'est-à-dire qu'il y a du souci, c'est quand on se bat, même nos autorités se battent pour que des gens quittent le territoire. On ne veut pas que les immigrés de Somalie ou autres quittent le territoire pour aller en Angleterre. Il faudrait qu'ils restent en France. Donc on se bat pour défendre les frontières extérieures, oui, de la France. D'ailleurs, il y avait des agents britanniques qui étaient infiltrés à Calais précisément pour que ça se passe comme ça. Ils sont assez rompus à ce genre de choses dans l'enseignement britannique. Alors, deuxième courrier de cette semaine, je vous le livre. Là, ça, on va parler journalisme un petit peu, parce que faut pas les oublier, ceux-là non plus. Hein. C'est criminel, là. C'est terroriste. Bonjour, chers camarades de démocratie participative. Je souhaite vous faire part d'un événement dont j'ai été témoin lors de ma participation à un blocage avec un couple d'amis lundi dernier. En effet, nous étions présents sur le lieu de blocage, rond-point près de X, en Franche-Comté. Et le reportage, dont je vous ai copié le lien ci-dessous, bon, c'est dans le courrier, quoi, a été en partie réalisé par un journaliste de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, presse régionale, donc presse d'État, n'oubliez jamais, hein, presse d'État. Celui-ci a publié une séquence mensongère complètement détournée. Alors que nous étions regroupés avec d'autres gilets jaunes pour un blocage très filtrant par ailleurs, l'ambiance était bon enfant, conviviale, un petit groupe retenait les camions et camionnettes étrangères quelques minutes. Il y avait également des discussions avec les automobilistes qui le plus souvent nous encourageaient. Café et feu de bois, barbecue et discussions avec deux gendarmes qui nous encadraient. J'étais près de mon ami et son mari lorsque nous avons vu un individu particulièrement hirsute, de type méditerranéen, sortir de son véhicule en trombe, juste après s'être garé derrière nos voitures, équipé seulement d'une caméra avec micro. Sans se présenter ni saluer personne, celui-ci se précipite et filme, sans dire un mot, les différents manifestants présents. Contrairement à l'un de ses confrères de l'Est républicain, présent quelques minutes avant, nous ne savions même pas pour quel journal celui-ci filmait. Dans un premier temps, à force de le voir déambuler, mon ami lui demande comment cela se passe lorsque nous ne souhaitons pas être filmés. Celui-ci s'exaspère déjà en répondant nerveusement « Si vous ne voulez pas être filmé, il faut se mettre derrière moi ». Le mari de mon ami s'agace suite à cette réponse hautaine et agressive et lui demande alors de quel journal il s'agit. S'ensuit une nouvelle réponse agréable de la part de ce monsieur. Mais combien de fois vais-je devoir montrer ma carte de presse ? Ce journaliste avait une attitude à la fois méprisante, agressive et semblait plus nerveux que la situation ne le justifiait. Ce qui a d'ailleurs fait rapidement monter la pression d'un cran avec le mari de mon ami et pour finir sans présentation de la fameuse carte de presse et la succession des agissements décousus de cet homme. La dispute éclata réellement entre lui et le mari de mon ami, qui tenta de cacher l'objectif avec sa main et réussit à le faire remonter dans son véhicule. Bien que cela ne soit pas surprenant de la part de cette espèce, j'ai été d'autant plus contrarié de constater, comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, donc le reportage en question, en découvrant le résultat du travail de cette énergumène, le soir même diffusé dans le journal régional. Oh surprise ! Seule la séquence avec la main cachant l'objectif de la caméra et la voix d'une de ses collègues commentant « L'ambiance est tendue, quelques manifestants s'en prennent à notre caméra ». Merci donc à cette presse régionale pour cette belle démonstration que j'ai vécue en live. Cette mauvaise foi doublée d'une extraordinaire fumisterie justifie certainement le salaire de ce super reporter. Rien d'étonnant bien sûr, mais je me devais de relayer cette information, même si ce courrier n'est pas diffusé, bon bah pour le coup il l'est, cela pourrait être utile, etc. etc. Je sais également que vous êtes l'un des seuls médias indépendants à recueillir nos témoignages et je vous en remercie. Merci de la part de cette personne qui a bien voulu nous communiquer ce témoignage. Alors, je vais solliciter tous nos intervenants. Alors, il y a de quoi dire hein, sur la presse en général, bien sûr, mais sur le traitement de la presse du mouvement des Gilets jaunes, de ce mouvement populaire, et du fait que la presse s'en plaint. Ça me fait penser à ce qu'il y avait eu il y a une dizaine de jours. Je crois que c'était un préfet en Bretagne, il me semble, qui allait voir les Gilets jaunes en les insultant, en disant que c'était les sales poujadistes. Tu vois. Et là, c'est... Ça me semble à peu près la même chose, c'est-à-dire que le type donc, bosse à France 3 Région, donc c'est-à-dire qu'il bosse pour l'antenne, la télé locale du Parti communiste, et il est allé voir les Gilets jaunes, sachant probablement que les mecs n'étaient pas des syndiqués ou des encartés au PC, et peut-être même d'ailleurs que les mecs de la CGT ont dû se faire dégager, hein, c'est fort probable, et donc il est allé foutre la merde. Quoi. Donc, c'est sale type. Sale fouine, sale journaliste de merde. Alors, c'est récurrent, hein, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler. De toute façon, il y a quantité d'exemples comme ça, où en fait, les journalistes qui étaient sur un piédestal, qui ont un réel pouvoir dans la société française, hein, pour le coup, là, c'est pas un pouvoir qui est fantasmé. Hein, ils contrôlent le discours dominant, ils peuvent assassiner un opposant ou ce qu'ils considèrent comme un opposant, par un reportage assassin et mensonger, par une campagne de diffamation récurrente dans la presse écrite, etc. Et là, après des décennies et des décennies de mensonges, de manipulations, ils sont enfin coincés, faits comme des rats, par le peuple lui-même. Et j'ai lu dans la presse récemment, alors il y avait BFM TV, alors BFM TV, il faut savoir une chose, ils ont réouvert, enfin ils demandent la réouverture, je ne sais pas si ça a été suivi des faits, mais ils demandent la réouverture d'une cellule psychologique, d'aide psychologique, parce qu'à force de se faire cracher dessus par la population maintenant quand ils vont en reportage, comme ils disent, hein, donc les représentants du personnel de BFM TV, ils vont travailler la boule au ventre. La boule en ventre. Donc oui, à force de terroriser les gens, on finit par être terrorisé soi-même par ces mêmes gens qui en ont marre, en fait. Alors vous avez tout le syndicalisme journalistique qui se mobilise. Alors là, c'est parti. Hein. La liberté de la presse est menacée, les heures les plus sombres de notre histoire, etc., etc. Bah oui, ces gens veulent pouvoir mentir en toute impunité, cracher à la gueule de ceux qu'ils n'aiment pas en toute impunité. Et je rappelle, ces gens ne sont que 35 000 en France. En tout et pour tout, il représente une chiure de mouches par rapport à la population française. Mais, en raison de leur pouvoir d'influence, ils contrôlent tout le pays. Donc, voilà. Et ces gens arrivent à 95% pour les partis d'extrême gauche, voire de gauche, ou très peu du centre. Oui, enfin, de toute façon, des partis du système. De toute façon, des partis du système. Oui, mais enfin... Mais pour eux, Bayrou, c'est l'extrême droite. Ouais. Tu vois ouais. En fait, je pense que ça dépend aussi des revenus. Mais on a là-dedans des kyriels de militants trotskistes, de membres du Grand Orient, de socialistes endurcis, de marxistes patentés. C'est rempli de ça là-dedans. Et le cas typique, c'est le cas des migrants. C'est-à-dire que vous demandez aux gens leurs sentiments. Là, il y a eu encore récemment un sondage sur la question de l'immigration. Je crois que c'est plus de 80% des Français qui... veulent plus entendre parler d'immigration, c'est simple, la presse c'est exactement l'inverse, c'est 85-90% de la presse qui est pour les migrants, pour plus d'immigration, voilà. Et après les mecs s'étonnent. Alors il y a cet épisode qu'on vient de nous livrer là, un exemple concret, voilà, le type arrive, il dit bonjour à personne, il est infect, bon tous les journalistes, voilà, tous les journalistes sont pas comme ça, il y a des journalistes qui sont de gauche, mais bon, qui ont quand même une courtoisie élémentaire, quoi. Ils disent bonjour aux gens, ils se présentent, mais là il y a beaucoup de ces crasseux, hein, qui dépaillerait pas dans la ZAD. Hein. Je veux dire, c'est le même type de clientèle. Hein. On parlait de ça, ça fait le lien avec ce qu'on disait dans le premier courrier. Quoi. Pourquoi les mecs d'extrême gauche bénéficient d'une telle bienveillance? Regardez qui fait l'information. Regardez qui fait l'information. Regardez qui déclenche les campagnes de presse en faveur d'eux ou au contraire pour abattre quelque chose. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait clair que cette presse est bon, partiale, c'est presque redondant, mais elle est partiale, elle est mensongère, et elle est aux mains des Juifs. Bon, ça, il faut le souligner, le dire et le redire, elle est aux mains des Juifs. Intégralement aux mains des Juifs. Alors bien sûr, il y a les parties du système, mais il y a bien sûr aussi le facteur juif, évidemment. Et donc ça nous donne toutes ces séances de théâtre qui visent à criminaliser en fait toute forme d'opposition légitime. Parce que là, pour le coup, c'est un vrai mouvement populaire, hein, les Gilets jaunes. C'est un vrai mouvement populaire. Et très curieusement, les médias ont un problème. Hein, oui. Les moments ont un problème avec. Ouais, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner de vraiment de l'influence néfaste journalistique. Par exemple, ne serait-ce que le terme migrant lui-même, c'est un terme qu'on n'employait pas auparavant. On disait les immigrés, les clandestins, les immigrés légaux, les immigrés clandestins. Et maintenant, on parle de migrants, mais c'est un truc qui est rentré même dans notre vocabulaire à droite, mais qui est un truc extrêmement récent. Puis après, ils ne sont pas allés suffisamment loin avec le terme migrant. Ils ont collé après le terme réfugié, sans même qu'on sache qui viennent, pour quelles raisons, est-ce que c'est des réfugiés de guerre ou pas. On parlait de fait, ils parlaient dans leurs journaux ou dans leurs radios de réfugiés. Bah, tu vois, même quand tu leur dis, mais en fait, c'est pas des réfugiés de guerre, ils disent, non, mais c'est des réfugiés climatiques maintenant. Mmh. Alors, il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison, tu vois. Et alors, mais même, en fait, là, maintenant, l'extrême gauche, ils ont franchi un cap. Parce qu'ils ont, au départ, le terme migrant, c'était l'extrême gauche. Uniquement l'extrême gauche, vraiment trotskiste, qui ne s'occupait que de faire venir des clandos, quoi, RESF et compagnie, mais ça a été complètement banalisé dans le discours public. Donc maintenant, ils parlent des exilés. Ils sont en exil. Donc quelqu'un qui est en exil, c'est quand même quelqu'un qui est censé vouloir revenir dans son pays d'origine. Vous aurez remarqué que les Soudanais qui violent des blanches, tous les crasseux qui viennent d'Algérie et compagnie, n'ont vraiment l'intention de repartir dans leur pays à la con, puisque en premier lieu, ils l'ont quitté. Hein, parfois, ils y vont pour une semaine de vacances. Oui, ça arrive. Ouais. Non, puis voilà, sur la base de. Pardon, non, c'est intéressant, sur la base, par exemple, d'images comme celle du petit Ilham, qui était le petit là qui était échoué sur une plage turque. Et du coup, des images chocs qui font le tour du monde, que eux sélectionnent, sans qu'on connaisse le contexte ou quoi que ce soit, mais qui sont censés renverser l'opinion, quoi, et la mettre du côté de l'accueil, entre guillemets. Bah, il y a les bons morts, c'est ça, en fait, c'est la manœuvre profonde, par la personne qui nous écrit parle de mauvaise foi. T'as bien raison avec ce cas de Ilan. Alors, le petit Ilan, alors, c'était un Kurde qui était mort en se noyant d'Ixit au large des côtes turques en 2015 et qui a servi d'élément catalyseur pour la grande campagne en faveur de l'immigration de masse. Et quand on dit masse, c'est pas exagéré puisque on parle de millions d'individus, que les forces financières qui possède, hein, avec les gouvernements, la presse, hein, faut pas l'oublier. Éléments dont ils sont servis donc pour légitimer leur grande campagne d'ouverture des frontières. Et peu de temps après, si vous vous rappelez, quand il y a eu les attentats du Bataclan, etc., quand des gens ont voulu mettre les photos des victimes, les mêmes médias ont dit « Vous ne pouvez pas montrer des choses comme ça, c'est indécent, etc., c'est obscène. » Il y a eu toute une campagne là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Taubira était même rentrée dans la danse à l'époque, elle était garde des Sceaux. C'est là qu'on voit vraiment le degré profond de mauvaise foi de ces enculés de journalistes. C'est des gens, en fait, qui sont... la fin justifie les moyens. Par contre, l'ennemi, on lui nie le droit de recourir aux mêmes moyens. On est bien d'accord. Hein. Donc, j'ai le droit d'utiliser absolument tous les moyens pour parvenir à mon but, mais il est bien entendu que vous... c'est-à-dire vous à droite, vous les nationalistes, vous n'aurez jamais, on ne vous autorisera jamais d'utiliser les mêmes règles du jeu. C'est constant, et ces gens-là veulent gagner, et ils sont cohérents, ils sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils veulent gagner. Mais là où c'est mensonger, c'est qu'ils prétendent être moraux. Et c'est relevé de la psychiatrie que de diffuser des images de Daesh, l'enquête psychiatrique voilà, disant Marine Le Pen, par exemple. Exactement, c'est-à-dire, mais ils prétendent à la moralité. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des trucs, et tout ce qu'ils font est moral par définition, ils sont dans le camp du bien. Tous ceux qui ne partagent pas leur vision du monde sont du camp du mal, hein, le camp du diable, et par conséquent, peu importe, même si vous utilisez leur méthode, c'est illégitime, et vous êtes une ordure. Donc c'est très drôle, quand ça va dans leur sens, c'est positif, quand ça va dans votre sens, vous êtes une ordure. Bon, ça en dit long sur eux. Hein. Une certaine idée de l'éthique, oui. Ça, voilà. Bah, ça me rappelle, oui, c'est assez mythique hein, comme conception de l'éthique. Hein. Ah bon, ah bon, ah bon. On pourrait dire aussi que le journalisme est très sémitique en lui-même en France. Hein. Il y a une certaine coloration communautaire. On ne pourrait pas dire que la France, oui, est quand même très, très, très sous la coupe du sémitisme, non ? La France est déjà sous la coupe de la presse juive. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Et vous regardez Rutel Kri, mais regardez tous les journalistes juifs. On va dire, c'est criblé de youtres. C'est criblé de juifs. Vous avez Rutel Krieff qui éructe comme une hyène sur BFM TV. Elle est là, puis sa voix, on dirait une... Oh, on dirait un chat qu'on égorge. C'est absolument insupportable. Oui, il y a sa tête déjà avant sa voix. Elle a un sourire carnassier. Elle a un sourire carnassier. Enfin, on voit que ça vient. On voit que ça vient du Moyen-Orient, quoi. Puis l'œil, tout le temps à moitié fermé. Là, il y a un côté très asiatique là-dedans. Oui. C'est vraiment. Moi, j'aurais dit que ça venait du sang des bébés goy dans les petits pains de Pessard. Mais... vous allez voir bientôt, ça va arriver ça. Quand vous critiquerez ou vous opposerez aux journalistes en les dénonçant, on cataloguera ça, le système cataloguera ça comme de l'antisémitisme. Ça va arriver. On est déjà dans le poujadisme, comme dit le prophète Brest. Ça arrive. On y est presque, hein, on est aux racines de l'extrême droite, comme l'ultra-droite désormais. Mais je veux dire un truc aussi, c'est que les journalistes sont au fait de leur puissance, mais après qu'ils soient au fait de leur puissance, il y aura leur chute et leur déclin. Et déclin d'autant plus inéluctable que non, ils ont un rôle d'information, mais sur des manifestations comme celle des Gilets jaunes, on voit aujourd'hui des gens avec les téléphones portables d'aujourd'hui, ou avec des petites caméras, en fait, donner des informations beaucoup plus précises. C'est-à-dire, on est complètement, quand on regarde ces vidéos-là, même on a beau être à 3000 km, on est complètement immergé dans la manifestation et on voit beaucoup plus de choses et des choses beaucoup plus pertinentes que le filtre BFM TV qui est là justement pour parler des choses afin d'éviter que les gens comprennent et afin d'éviter que les gens ne se regroupent. C'est-à-dire c'est les gens qui prétendent relayer l'information, relayer les sentiments du peuple, mais qui ne font que les travestir et les trahir, bien sûr. Bah, moi j'ai quand même pété un peu l'oreille à ce qu'ils disaient sur LCI et BFM TV. C'est vraiment le pouvoir qui s'exprime. Et quand je dis le pouvoir, j'ai pas besoin de donner son origine ethnique. C'est vraiment. Il y a constamment les rappels à l'ordre, etc. Enfin, on voit bien que c'est vraiment. Bon, je m'en étonne pas. Enfin, on n'est pas naïf. On sait très bien que c'est la fonction même de ces grands médias appartenant aux puissances d'argent. BFM TV, c'est le milliardaire juif israélien Drahi qui possède ça. On pourrait citer toute une série d'autres, LCI, TF1, c'est Bouygues, enfin, on pourrait continuer comme ça, hein, je veux dire, ce sont les grandes puissances d'argent qui sont coalisées dans ce système, qui défendent ce système, qui défendent évidemment Macron, mais le système plus que Macron, hein. Macron c'est un fantoche, c'est un pantin, Macron, il n'a pas de réalité en lui-même, Macron. Macron c'est le visage de ce système, donc ils le défendent mordicus. Alors, il faut souligner une chose, je veux dire, vous avez toujours plus royaliste que le roi. Donc vous avez toujours plus mondialistes que les mondialistes, et c'est sûr que quand vous allez à Libération, ça va jamais, pour eux par exemple en termes d'immigration, ça va jamais assez loin. Donc si vous lisez Libération, vous avez l'impression que Macron est un fasciste, il a renvoyé 200 Africains en Afrique, mon Dieu, au secours, le Troisième Reich est aux portes. Quand vous regardez la composition de Libération, vous vous rendez compte d'avoir que tout ce monde-là est quand même issu de la bobocratie parisienne dégueulasse qui a fait les écoles de journalisme, le tout étant chapeauté, toujours la même chose, par des commissaires politiques ashkénazes. C'est toujours la même histoire, quoi. Oui. Donc, y a quand même une certaine lassitude. Alors, le journal Le Monde, c'est caricatural, mais ces gens sont comme... En fait, c'est des profs au carré, en fait, les journalistes. Les profs, toute leur vie, passent leur temps à faire la leçon à des enfants. Donc, quand ils sortent de leur classe, ils parlent de la même façon aux gens du commun. Ils pensent que l'ouvrier qui voit au coin de la rue, que le plombier qui voit au coin de la rue est un imbécile, en fait, qui ne sait rien et auquel il faut tout expliquer. Donc, ils se mettent à expliquer comme ça aux gens comment fonctionne la vie. Sauf que ces gens n'ont jamais quitté leur classe. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui ne connaît pas la vie pratique, ce que vit quelqu'un qui vient du prolétariat, c'est bien un prof, par définition. Mais les journalistes, c'est au carré. C'est-à-dire que les journalistes, eux, c'est le pays entier qui est une classe. Ils ont très conscience de leur influence. Ils ont cette prétention morale à guider le peuple. et à incarner des grands idéaux et des grands principes moraux. Ils parlent toujours de liberté de la presse, de droits de l'homme, de trucs, de machin. Ils ont l'impression d'être les gardiens de la démocratie. Donc ces gens ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent être. Nous sommes des journalistes, ils sont là pour informer. Non, ces gens se considèrent, ils n'en ont pas conscience la plupart du temps, mais ces gens se considèrent, se vivent en tout cas, comme des prêtres. Ce sont des prêtres, et même plus véritablement des évêques. Donc, voilà, ils veulent guider la plèbe. Et quand la plèbe est là, elle dit, mais attendez, nous, ce que vous me racontez, là, on en a rien à foutre. C'est pas du tout ce qu'on ressent, c'est pas du tout ce qu'on expérimente au quotidien. Bah, le type vous dit, ah, d'accord, vous avez pas bien compris. Bon, bah, je vais vous réexpliquer, alors. Parce que c'est toujours comme ça. Vous avez pas fait attention? Quand le peuple ne les suit pas, leur argument, c'est, ah oui, mais ils ont pas bien compris. Ça veut dire, on va faire de la pédagogie. Ouais, on va faire de la pédagogie. Ils sont cons. Ils sont trop cons, ils n'ont pas compris, on va réexpliquer. Et je vous assure, hein, vous pouvez aller sur des sites spécialisés de journalistes, ils ont des clubs de la presse, etc. Allez voir, vous allez voir comment ces gens parlent entre eux, à quel point ces gens sont d'une arrogance dont ils n'ont même pas conscience. Et quand vous avez justement le peuple qui leur crache à la gueule, parfois physiquement, hein, leur crache dessus, les insultes, les menaces, les types ne comprennent pas parce qu'ils se sont bâti une représentation de ce qu'ils sont, de leur place dans la société qui ne correspond à rien de la réalité, quoi. Ils ont perdu une immunité dont ils bénéficiaient depuis longtemps, puisqu'on ne les croit plus. Et ils se sentaient immunisés un petit peu à la façon d'un diplomate, mais c'est foutu, c'est terminé. Ils sont dans le cœur de l'ennemi, ils sont localisés. Il y a quelque chose qui est très important à comprendre, et le rôle des juifs là-dedans est central. C'est-à-dire, c'est pas un hasard si les juifs sont surreprésentés dans les médias, et si pour eux c'est stratégique de voir la presse bénéficier d'une impunité totale face au peuple. Eux, ils appellent ça au nom du droit d'informer. En réalité, c'est au nom du droit à désinformer pour le compte des juifs. Vous avez énormément de juifs dans la presse, parce que ce sont des gens qui sont des religieux. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est dans une confrontation à caractère spirituel, religieuse pour le contrôle des esprits avec les juifs, on n'a rien compris de la question juive, les juifs veulent façonner la façon dont pensent les goïms, les blancs. Ils veulent rentrer dans votre cerveau, vous faire penser comme ils veulent que vous pensiez. Donc, ils vont essayer de foutre la merde dans votre esprit, en vous mentant. C'est pour ça que le juif est menteur, et que c'est consubstantiel. Aux juifs. Le juif ment. C'est sa stratégie de survie. Il se sait en territoire étranger. Il sait être un étranger. Et pour s'assurer de sa sécurité et de sa prospérité en tant qu'élément parasitaire, il utilise non seulement le camouflage, mais le mensonge pour que la réalité n'apparaisse pas pour ce qu'elle est réellement. C'est pour ça que vous voyez les juifs changer de nom, par exemple. Un exemple. Les juifs se dissimulent, vous n'avez pas fait attention. Si c'était des gens qui n'avaient rien à se reprocher, etc., ils déploraient les bannières, etc. Là, ils ne déploient les bannières que quand ils arrivent tout en haut du pouvoir et qu'ils sont sûrs de le tenir d'une main ferme. Là, à ce moment-là, ils déploient tout et là, ils deviennent vraiment exhibitionnistes, quoi. Mais tant qu'ils sont juste dans la phase d'ascension, ils se cachent. Ils changent de nom, ils changent d'apparence, ils vont même jusqu'à faire de la chirurgie esthétique. Ils modifient leur nez, vous le savez, ça, la rhinoplastie, c'est pas un mythe, hein. Beaucoup de juifs se font refaire le nez, c'est vrai, c'est authentique, ça. Donc c'est toute une série de choses comme ça. Et la presse est évidemment stratégique quand on veut contrôler l'état d'esprit d'une nation. Et la presse juive passe son temps à mentir, passe son temps à faire ça. Donc c'est très fragile le pouvoir juif parce que ça repose sur la capacité, comme je l'ai dit, à manipuler l'opinion. Mais si jamais la défiance devient telle que plus personne ne croit les médias, tout le pouvoir juif s'effondre. Oui, et puis parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas s'appuyer sur la violence, ils peuvent pas s'appuyer sur rien du tout. Ça ne repose que sur la manipulation des idées, la manipulation des représentations collectives. Ça ne repose que là-dessus. Si ça s'effondre, ils perdent la main. Et c'est pour ça qu'ils ont très très peur, et on le voit. Ça repose sur la docilité du goy, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu lui mets, sous les yeux du goy de la violence, normalement, il est censé avoir peur, à dire « Ah oui, je condamne la violence. » C'est mal, c'est très mauvais. Et là, ça me fait penser à BFM TV, donc le samedi soir, hein, après le bordel sur Paris. Les types, ils avaient des gueules bizarres, hein, les journalistes, parce qu'ils passaient des témoignages, tu sais, des vieilles boumeuses qui étaient des prolos, quoi, à Paris. Ils disaient, bon, ben ouais, il y a de la violence, mais oui, tu veux dire, on est obligé de passer par là si on ne nous écoute pas, donc. Oui, j'ai vu. Ouais, ouais. Voilà. Et ça passait en boucle, et puis à chaque fois, putain, ils voyaient ça, ils étaient pas bien, hein, que ce soit les journalistes ou les politiques qui venaient. Ils avaient la boule dans la boule dans la gorge. Le Premier ministre aussi, c'était pareil, il avait la même attitude quand il avait parlé devant les flics. Il sentait que, bon, entre lui et la colère populaire, il y avait un mince cordon de CRS. C'est ça. Je voulais juste dire qu'il disait que la presse juive ment. Il faut préciser que c'est évident, elle ment quand elle s'adresse aux goy, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de formidable avec les juifs, c'est lorsque les juifs parlent aux juifs, ils se livrent, et c'est là que c'est juste, c'est dithyrambique de dégueulasserie judaïque en fait. Que ça soit par exemple sur le fait qu'ils dirigent Hollywood, qu'ils sont derrière la pornographie en Occident, ou d'autres choses. Si vous voulez vraiment rendre les gens antisémites, la meilleure chose c'est d'écouter un juif qui parle à un autre juif. Bah, on avait cité Sagarovitch, c'est quoi Sagalovitch, j'ai oublié son nom, il y a 2 semaines. Hein, Sagalovitch, voilà, il est au Canada, il s'exprimait aux Français en parlant des Gilets jaunes. Bon, j'invite nos auditeurs à se reporter, à écouter de cette émission. On a cité in extenso l'article de ce juif. Il parle sans filtre, quoi. Il exprime sa haine raciale pour les Blancs, pour les Français, voilà, il les hait, mais paradoxalement, c'est assez drôle, il prétend incarner, lui, la véritable France, etc., et il dit, voilà, c'est fascinant, quoi. Je vous le dis, ces rabbins, ce sont tous des rabbins, tous les juifs sont des rabbins, qui veulent judaïser de force les goyes, sans, bien évidemment, leur offrir les privilèges réservé au peuple élu, hein, ça va bien, ça va sans dire, hein, c'est-à-dire que ils ont non seulement le pouvoir de prêcher, mais aussi le pouvoir politique. Le bétail goy n'a qu'à suivre. Bon, ça appelle en soi déjà une révolution. Hein. Et je parlais tout à l'heure de prêtres. Je faisais pas tellement référence à des prêtres catholiques qu'à des prêtres tout court. Leur fonction, c'est exactement le rôle de la presse. Et c'est pas du tout étonnant de voir tous ces juifs. Dans cette presse écrite, radiophonique, télévisée, éructée, servir leur haine contre le peuple français révolté contre qui, contre quoi, ben contre leur propre parasitage financier, évidemment. Donc vous avez d'un côté Moshe qui gère la banque, et de l'autre côté vous avez David qui gère le principal journal de français, quoi. Donc en France, c'est Le Monde, c'est la banque Pigasse, hein, c'est Mathieu Pigasse, Drahi, c'est Libération, je crois que c'est aussi l'Express, si je ne m'abuse, pourrais citer comme ça longtemps, mais le nombre de youpins qui sont truffés dans toutes ces rédactions, ce sont des commissaires politiques bolcheviques, quoi. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si ce que raconte la presse institutionnelle ne correspond pas à ce que vous vivez, les juifs sont derrière. Ne vous étonnez pas. Cherchez les noms de tous ces youpins planqués dans les rédactions. France Info, France Inter, Radio France, de toute façon c'est un kibboutz en soi, hein, Radio France. Hein, c'est truffé de youtres. Hein, truffé de youtres, hein. Et évidemment, il faut un monopole, il faut pas de concurrence. Alors dès qu'il y a un média qui enfin lève le lièvre comme le nôtre, quoi, alors que bon, on est un média modeste quand même, quoi. Mais dès qu'on prend la parole pour combattre les juifs, paf, il faut tout censurer, vous voyez, tout l'État qui se mobilise, c'est des ministres Cazeneuve qui prêchent en personne dans un tribunal pour nous faire interdire, et tous les autres, tous, ils arrivent, ils rentrent dans la danse, parce qu'ils savent qu'à la minute où le peuple prend conscience que ces juifs contrôlent tout l'appareil, ils savent que la révolution commence pour de vrai. Voilà. Vas-y, Alexis. Non, je voulais parler rapidement des pigistes, et on pourrait dire il y a 35 000 journalistes, donc il n'y a pas que des juifs, etc. Ce qui est vrai, mais vous avez, en fait, c'est pas très difficile d'être journaliste. Vous voyez bien que les journalistes qui s'expriment n'ont pas en général une très grande culture historique ou politique, sauf que ceux qui sont vraiment des pontes, quoi, des manipulateurs. Mais quand vous écoutez Jean-Michel Apathy ou autre, vous n'avez pas l'impression quand même d'être face à un phare de l'Occident culturel, quoi. C'est pas Léonard de Vinci, le type, quoi. Mais justement, en fait, il y a un potentiel de gens, plein de gens qui pourraient devenir journalistes qui ont le niveau intellectuel. Simplement, il y a peu de place. Et pour rentrer dans ce système-là, bah, il faut montrer patte blanche. Vous avez tout le système des pigistes, c'est-à-dire d'abord vous commencez comme pigiste. Donc forcément, vous ne pouvez pas imposer une quelconque ligne éditoriale ou vous feriez, en tant que journaliste pigiste, un brillant. Alors explique pour ceux qui nous écoutent ce qu'est un pigiste, parce que tout le monde ne le sait pas nécessairement. Bah, celui qui fait une pige, c'est celui qui occasionnellement fait un papier sur un point précis pour un journal. En général, c'est à la demande du journal lui-même. Donc il n'est pas salarié en CDI, c'est quelqu'un qui voilà, est payé à l'article. Voilà. Voilà, c'est un article, mais ça va lui permettre d'avoir une expérience, d'avoir des contacts dans des rédactions et peut-être de décrocher un contrat à plus long terme. Mais précisément, pour décrocher ces contrats à plus long terme, il faut avoir montré patte blanche, si j'ose dire. Donc en fait, leur grande précarité à ces pigistes, indépendamment d'ailleurs de leurs convictions personnelles, qui penchent quand même généralement à gauche, leur grande précarité fait que de toute façon, ils sont totalement soumis aux lignes éditoriales qui leur sont imposées par le journal en question. Donc même s'ils voulaient faire preuve d'indépendance ou d'originalité, ils ne le pourraient pas, puisque socialement et professionnellement, ils sont dans une très grande précarité. On est d'accord? Exactement, c'est un certain penseur que nous combattons parfois pour certaines de ses idées, avait dit qu'un journaliste était soit une pute, soit un chômeur. Bon, c'était pas totalement faux sur ce point-là. On pourrait aussi devenir journaliste et puis créer son propre média, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, après, il faut avoir une audience particulière, il faut des moyens particuliers, donc c'est très compliqué. Oui, et puis après, en plus, ça t'attire des procès, et puis tu te fais déréférencer d'Internet. Voilà. Oui. Bah, y a un bon exemple, c'est par exemple les grandes gueules d'RMC. C'est-à-dire, RMC prétend finalement avoir des représentants du peuple, des gens de la campagne, ouais, des gens des banlieues, etc. Oui, oui. Ils ont même des curés, on en a parlé la semaine dernière. Pardon. Non, je disais, ils ont même des curés, on en parlait la semaine dernière, mais vas-y, reprends la parole. Oui, pardon, oui. Simplement pour dire que, en fait, c'est soi-disant des représentants du peuple, mais c'est pas du tout le cas, parce que celui qui est docteur, évidemment, c'est quelqu'un que, je sais pas, c'est un antillais, ou je sais pas qui, donc forcément, c'est quelqu'un de couleur, donc pour montrer que le message subliminal, c'est qu'il s'intègre très bien. On voit Boudjelal, de président de club de rugby, antiraciste, etc. Qui tient parfois d'ailleurs les positions les plus racialistes, bon, c'est d'ailleurs c'est étonnant. Et Liebig, par exemple, qui est soi-disant là pour incarner le type qui connaît les banlieues, en fait c'est un type qui a écrit des bouquins, comment draguer les catholiques à la sortie de la messe, c'est des bouquins absolument immondes, et le gars est con comme un balai, et il prétend incarner le peuple, quoi. Alors, il prétend incarner le gaulois, mais le gaulois ça va forcément être un gros beauf dégueulasse et vulgaire, bien sûr. Liebig, c'est pas celui qui a sa grosse moustache de gaulois, là? Ouais, il a plutôt des cheveux longs et c'est qui blancs, ouais, oui, d'accord, Liebig, ouais. Mais le gros gaulois, là, enfin celui qui fait le semblant de jouer Obélix, là, au Grande Gueule, là. Il est censé, justement, incarner un peu le Robert, quoi, tu vois, Robert, voilà, routier, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, mais c'est un rôle, quoi, bien sûr. Mais oui, c'est ça, c'est un jeu d'ombre. C'est vraiment le. On l'a dit semaine dernière, donc on va pas resservir, mais c'est vraiment le vrai faux politiquement incorrect, en fait, le débat. C'est le théâtre juif, quoi. Voilà. Parce que ces gens-là ont eu des procès. Ils se prétendent grande gueule, mais dans ce cas-là, s'ils étaient grande gueule, ils devraient vraiment avoir des procès. Je crois que les seules grandes gueules qui existent, elles sont ici. Hein. Je veux dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais on en a parlé, donc bon, c'est pas la peine de remettre le couvert, mais il y a cette espèce de... en fait, pourquoi les grandes gueules, en fait? Pourquoi les grandes gueules et pourquoi ce type de journaliste-là? Ou ce type de journalisme-là? D'ailleurs, en fait, c'est service minimum, parce qu'en fait, ils prétendent en fait, donner la parole aux gens. Remarquez. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils sont tellement discrédités que pour essayer de remonter un petit peu dans l'estime du public, c'est on va redonner la parole aux gens, parce qu'en fait, nous, si on parle, on est pas trop cru, quoi. Et évidemment, tout va se passer au standard. C'est un bon client, ça c'est un mauvais client, en plus il y a des briefings derrière, celui que t'as pris là, il était pas suffisamment bien, et voilà. Et ensuite, on le lance dans l'arène, quoi, et il va servir un peu de balle dans le flipper, quoi, tu vois. Et les mecs se le repassent comme ça et tout machin, et le truc est totalement borné, mais ça donne l'illusion d'un débat ouvert avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans les cordes. Mais vous remarquez bien qu'il y a très rarement très rarement une prise de parole qui est vraiment, vraiment gênante. Et de toute façon, ça va durer 3 minutes, le temps que le mec gueule dans son téléphone, et puis ensuite, on passe à autre chose, quoi. Donc, et puis, vous remarquez, quoi. C'est-à-dire que si, aux grandes gueules, je l'ai dit, mais moi, ça m'a fait marrer, mais aux grandes gueules, par exemple, ils se sont dit, ça serait pas mal d'avoir un curé pour faire un petit peu France profonde. Sauf que quand tu vois le curé, il arrive même avec son col romain, alors que le mec est pédé comme un phoque, il doit se faire enculer par tous les sidaïques de Paris, quoi. Mais le type arrive avec son col romain pour faire le curé progressiste, machin, alors qu'il a une tête, il a une tête à passer à la trithérapie, le mec, quand même, quoi. Il a plus que la peau sur les os. Mais ils vont mettre ça... je pense qu'il ne porte le col romain uniquement pour l'émission, à mon avis. Oui, bah, je pense qu'il porte surtout que le haut du col romain. Je pense qu'en dessous, il n'y a rien, à mon avis. Hein. Mais, et voilà. Mais ils ont compris que la parole des journalistes, elle est totalement démonétisée. Donc, l'avocate des grandes gueules, Marianne Soubré, avait dit que les bonnets rouges dans l'ensemble, pas que certains bonnets rouges, elle avait dit que les bonnets rouges sont des pecnos. Elle avait dit ça, et c'est l'extrait, et on peut le trouver encore. Donc ça prouve bien le mépris qu'ils ont profondément du peuple, bien sûr. Oui, on a passé un extrait la semaine dernière sur ce qu'elle a dit sur les gilets jaunes. C'est encore plus costaud. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Et donc c'est marrant, c'est-à-dire c'est des gens qui prétendent donner la parole au peuple, voire être représentatif du peuple, mais en fait, quand tu grattes un tout petit peu, et vraiment un tout petit peu, tu vois tout de suite le fiel qui suppure, quoi. Voilà. Le peuple, hors de ma vue, gueux, voilà, c'est ça. Et parfois, ils recyclent des trucs assez rigolos. On a investi une fois, le coup, là, l'ancienne pute qui pompait des bougnoules au bois de Boulogne, là, qu'ils ont mis maintenant à la radio, là. C'est pour donner le petit côté vécu. Authentique, si vous voulez. Authentique dans la merde, quoi. Bon. Il y a pas mal de gens qui s'amusent pendant ce genre de manif, là, pour revenir un peu aux commentaires qu'on a reçus. Faire une distinction entre les journalistes régionaux, nationaux, etc. Moi, j'ai envie de leur dire, les gars, vous prenez pas la tête. Hein. Pff, franchement, si vous sentez le besoin de virer ces gens des manifs parce que vous les sentez pas, moi, je pense que c'est la même merde, hein, régional, national, à mon avis, très très belle différence. Les mecs du régional, c'est ceux qui n'ont pas réussi à monter dans le national. Bon, j'en sais quelque chose parce que je l'ai vécu. Donc, quand on dit le national, en fait, c'est Paris. D'accord. Et en fait, moi, j'ai été dans les rédactions, d'accord ? Donc, j'étais dans les rédactions, donc je les ai vus arriver le matin. Quand tu vois un mec arriver le matin avec un t-shirt Hasta la Vista, Siempre, ou je sais pas quoi, non, c'est Hasta la Victoria, Siempre, et des trucs mort au fascisme, etc., les mecs sont en train de faire les montages, ça vous donne déjà du grain à moudre, quoi. Vous cogitez un petit peu, puis vous entendez les trucs. Puis je me rappelle, moi, il y avait un moment donné, ça va faire rigoler les juifs, il y a des juifs qui nous écoutent là, mais il y avait un moment donné un reportage sur des enfants palestiniens, je me rappelle, qui étaient venus, je sais plus où, chanter quelque part, bref, peu importe. Ils étaient en train de faire le montage, il y avait une espèce de grosse gauchiste blanche dégueulasse, antiraciste à mort, pro-nègre, mais à fond les ballons, quoi. Elle voit les petits bougnoules chanter en arabe, elle était là, ah mais c'est trop beau, quoi, tu vois. C'est en extase, quoi. Ah ouais, non mais c'est ça ces gens, il faut bien comprendre que c'est des gens du calibre de Besancenot. C'est des gens du calibre de Besancenot. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez ensuite le haut des rédactions, vous avez des contrastes incroyable. Les gros, gros journalistes, les grands journalistes, ceux que vous voyez, les mecs que vous voyez même sur BFM, LCI, etc., vous savez, les types en cravate, etc., eux, c'est rarement des mecs de gauche, au sens où on l'entend nous, ok ? C'est des gens qui sont proches du pouvoir au sens financier du terme. Donc, c'est des mecs qui palpent énormément d'argent. Ils ont beaucoup de relais dans la haute société. Ils sont dans le système, si vous voulez, ils sont dans le haut du système, si vous voulez. C'est des culs en or, ils ont énormément de blé, familialement en général d'ailleurs, leur famille, parce que généralement c'est des fils d'eux. C'est des fils d'eux, quoi. C'est jamais des types qui sont parvenus comme ça C'est souvent des fils de pute d'ailleurs. Oui, ça va avec, mais je veux dire, c'est souvent des grandes familles qui, ça fait un siècle qu'ils sont dans le journalisme en fait. Mais voilà. Et ces types-là en fait sont pas de gauche au sens strict, mais ça va voter Sarkozy, quoi. Ça va voter Sarkozy, ça va voter Macron énormément. Donc, ils vont pas voter communiste, ils vont pas voter Besancenot, ils vont pas voter Socialo, Benoît Hamon et tout, mais ils vont voter, vous voyez, l'option qui leur permet de toucher le blé tout en étant pour les migrants, ok ? c'est-à-dire de continuer à vivre, à péter dans la soie, si vous voulez, tout en étant solidaire de cœur avec la pouillerie du tiers-monde qui va venir ravager la vie des prolétaires ou des précaires en, comment dirais-je, en perdition à Calais et ailleurs, quoi. Voilà, c'est du ça. Du coup, Macron, c'est une excellente option pour eux, quoi. C'est leur meilleure option. Moi, je les ai fréquentés, ces gens. Attention, je les ai fréquentés, je les ai vus, individuellement d'ailleurs, de personne à personne, ce sont des gens parfaitement charmants, hein. C'est pas des ordures, hein, tous. Hein. Il y en a quelques-unes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont, humainement parlant, des gens bien, ce qu'on appelle des gens bien. Sauf qu'en fait, ils sont horribles au sens politique et social du terme. Ce sont des gens qui détruisent des vies et ils n'en ont pas conscience. Ils détruisent un pays, ils n'en ont pas conscience. Ou ils s'en foutent aussi, ça arrive. Et voilà, et bon, mais moi, de toute façon, c'est très très vite, j'ai été, enfin moi je me cachais pas, donc, mais ils ont remarqué que je fonctionnais bizarrement, tu vois, quoi, mais bon, mais j'ai vu des trucs, alors pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on voit, comme ça, des journalistes qui reviennent de reportage, les mecs sont des gauchistes endurcis, qui vont croiser le type qui va présenter un JT ou machin, et qui, qui lui est un type qui palpe à mort, et qui fréquente tous les gros politiciens, etc. Mais il y a une amitié. Il y a une amitié entre ces gens. Aussi bizarre que ça paraisse, il y a une amitié parce qu'ils font le même boulot, ils sont en contact au quotidien. Mais voilà. Mais il y a évidemment les mêmes a priori de base. Hein. Voilà, ils sont sans frontières, ils sont cosmopolites, ça c'est clair. Voilà. Bon, c'est un peu une digression, mais c'est pour comprendre un peu comment se fait l'information. Les gens savent pas comment ça se passe derrière les caméras, dans les salles de montage, comment ils sélectionnent les passages, etc. Quand tu le vois faire, bah voilà. Peut-être que les journalistes, ils ont un peu la rage en ce moment parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus inutiles, dans le sens où maintenant chaque citoyen est un peu un journaliste avec. On a tous maintenant des smartphones, etc. Et on peut parfois les surpasser, les devancer. Ça s'est vu dans pas mal d'événements où ils se rendent compte du coup qu'ils servent de moins en moins à rendre service, à populariser l'information. Donc c'est plutôt des agents de manipulation. Ils sont toujours en train de mettre en avant, tu en as parlé tout à l'heure, Gandalf, hein, liberté de la presse, liberté d'expression. Non mais ça c'est de la flûte. Hein, c'est bon. Ici on a démocratie participative, donc on sait très bien que la liberté d'expression, hein, ça marche que dans un sens et pas dans l'autre. Hein. C'est moi je voudrais parler surtout d'un petit truc qui nous sort récemment, ces petites journalop. C'est vous avez vu l'entourloupe qu'ils nous font maintenant, c'est des fameux dossiers anti-fake news. Ça ils aiment bien le truc anti-fake news. C'est genre le peuple se trompe. Fact-checking, ils appellent ça. Voilà, le fact-checking. Donc, le peuple se trompe, mais nous, journalistes, on a un regard extérieur, on est objectif et on va expliquer pourquoi ils se plantent, etc. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est déjà, on peut dire que quand ils font du fact-checking, généralement, c'est qu'ils démontent l'information d'autres journalistes. Ça, faut aussi dire. Donc, c'est au départ, c'est des journalistes qui se plantent. C'est souvent le cas. Et ils mettent souvent ça en avant pour faire genre que... finalement, on a vraiment besoin d'eux, quoi. Moi, je pense que c'est au contraire, c'est totalement l'inverse. Pour le coup, on va vraiment reciter Soral, qui disait que on sait que si jamais on allume la télévision ou qu'on lit les journaux, il n'y a que des conneries. Et il a raison là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a que des conneries. Mais au moins, sur Internet, c'est vrai qu'il y a aussi des conneries, mais aussi il y a la vérité, tu vois. Donc déjà, on gagne un peu plus. Et les journalistes, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de rage par rapport à ça, parce que maintenant, on arrive à les contredire nous-mêmes, et on a de moins en moins besoin d'eux, malgré. Le fait qu'il garde tout de même un grand pouvoir de nuisance. Ça, par contre, c'est clair. Bah, parce que l'argent est mis derrière. Hein. C'est pour ça aussi. Mais ils sont très ennuyés. Hein. Ils voient les réseaux sociaux, etc. Ça les fait rager. Parce que n'oubliez jamais ça. Ces gens-là, si vous voulez, un journaliste, on en sait quelque chose. Un journaliste qui veut être un peu influent, je veux dire, je ne parle pas des grands journalistes, je ne parle pas de ceux, vous voyez. Pas un journaliste du monde qui peut faire qui peut avoir de la bonne exposition ou de grands titres comme ça, mais au moins dans la presse régionale ou même dans FR3, etc., en régional, quoi, ou d'un titre régional. Il faut bien comprendre que ces types-là, si vous voulez, ils font quelques milliers de lecteurs. Ok. Et ils sont absolument sidérés de voir que des types qui ne viennent pas de leur milieu, qui ne viennent pas de leurs écoles, qui sont en radicale opposition avec leurs idées, fassent 10 fois, 20 fois ce qu'ils font en termes d'audience. Ça les fait dégueuler. Ça les fait dégueuler, si vous voulez. Et eux veulent guider le peuple, n'oubliez pas, ils veulent pas informer, ils veulent guider. C'est pour ça qu'ils font du fact-checking, d'accord ? C'est pas les faits qui les intéressent, c'est la narration qui les intéresse. Ces gens-là veulent écrire des romans. D'ailleurs, je les invite d'ailleurs, hein, tous ces journalistes à la con payés par les juifs, à se reconvertir dans le roman. Roman de gare, ça sera peut-être un peu plus approprié. Et ça les flingue, si vous voulez. Et en fait, là on rentre dans le socialisme, c'est par exemple comme nous, notre émission, ou notre site, excusez-moi, on n'en est quand même pas encore à faire de l'ombre au journal Le Monde, quoi. Bon, on fonctionne bien, mais on n'en est pas encore au niveau du journal Le Monde. Non. Et là, ce sont pour le coup des socialistes, c'est-à-dire qu'il faut réguler le marché. Il faut réguler le marché, c'est-à-dire que quand en fait il y a des options, des médias alternatifs qui existent et qui a une demande et que ça leur convient pas, ils demandent à la puissance publique d'intervenir pour mettre un terme à cette concurrence déloyale, entre guillemets. Hein. Donc la concurrence tout court, parce que pour un socialiste et pour un gauchiste, pour pas parler des juifs, toute concurrence est par définition déloyale. Donc voilà. Donc bon, c'est... Voilà, amis journalistes, vous êtes des putes, on vous crache à la gueule et on invite tout le peuple à vous insulter, à vous cracher dessus et à vous dire ce qu'ils pensent de vous, c'est-à-dire que vous êtes des vaginettes à juifs. Oui. Pas mieux. Voilà. Oui, il faut les intimider, hein, il faut continuer à leur faire peur un petit peu partout, c'est très bien. Le peuple a besoin un petit peu d'expliquer un peu comment les choses fonctionnent, parce que... On a assez subi tous ces gens. Voilà, ils n'ont pas vocation à diriger la société. S'ils veulent écrire des papiers pour dire tout le mal qu'ils pensent de leurs contemporains, c'est leur problème. Mais de là à prétendre diriger la société, non. Là, il faut mettre le haut là et il faut le leur dire. Voilà. Bon. Alors les amis, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Ça nous a fait du bien quand même, hein, de cracher sur le journaliste. Hein. Ça fait du bien, hein, quand même. Ça me fait du bien, moi. Rubrique numéro 2, autisme radical. Culinaire, là. On va rentrer dans le domaine culinaire. On va à Quimper. On va parler un petit peu sandwich. Le sandwich de trop. Le sandwich de la provocation. Oserais-je dire le sandwich de la guerre civile. Je vous livre un article de West France qui nous raconte cette histoire. Un agent en civil du commissariat de Quimper, dans le Finistère, a été frappé au visage par un homme en allant acheter son sandwich ce jeudi 29 novembre vers midi dans le quartier de Kermoisan. Un groupe de jeunes s'est ensuite jeté sur lui pour le taper. Deux hommes ont été interpellés et le policier hospitalisé. Je cite, « C'est un collègue en civil qui prenait sa pause déjeuner. Il allait acheter son sandwich dans la boulangerie du centre commercial de Kermoisan, un quartier de Quimper, Finistère, ce jeudi 29 novembre 2018 à midi, retrace Nelly Jeannot-Poirier, la directrice de la sécurité publique du Finistère. Un homme connu des services de police, notamment pour ses problèmes d'alcoolisme, l'aurait importuné, le policier l'aurait envoyé balader. C'est à ce moment-là que l'homme lui a mis un coup en pleine face, poursuit la patronne des policiers finistériens et commissaire central de Quimper. Les femmes en charge de votre sécurité, messieurs. Le policier en civil a alors demandé au boulanger d'appeler ses collègues. Du coup, il a été immédiatement identifié par son agresseur. Il est sorti pour appeler un groupe de jeunes de ce quartier émaillé par des scènes de violence et des contrôles de stupéfiants au fil de ces derniers mois. Ils se sont mis sur son dos et l'ont frappé, explique Nelly Jeannot-Poirier. Le policier agressé a été conduit à l'hôpital par les pompiers. Il a passé un scanner, légèrement blessé physiquement. Il est par contre choqué psychologiquement. Le premier auteur des coups et un des jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue par la secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police FO, 60% des policiers syndiqués finistériens, a immédiatement réagi et condamné ces violences gratuites et inadmissibles. Ce qui est aussi inadmissible, c'est qu'une circonscription comme Quimper et Ergué-Gabéric, donc c'est une commune adjacente, soit plus de 73 000 habitants, soit surveillée en permanence par seulement un à deux véhicules de police, avec deux ou quatre collègues. Aujourd'hui, on doit donner les moyens aux policiers quimperois de faire leur boulot et protéger la population. On demande 20 effectifs en renfort à Quimper. Alors, Eric, si tu m'écoutes, tu peux toujours courir, hein, si tu crois que le gouvernement va t'envoyer 20 flics supplémentaires à Quimper, peut-être 2 ou 3, ouais, pour marquer le coup, mais ça va pas durer longtemps. Bon, c'est anecdotique, parce que des histoires comme ça, ils s'en passent, voilà. Mais C'est quand même rigolo parce que les gens ont quand même dans l'esprit l'image d'une Bretagne quand même assez préservée par l'immigration. Là, on est à Quimper, donc vous imaginez quoi. Hein, c'est vraiment la Bretagne, Bretagne quoi. Hein. Et en fait, non, pas du tout. Il y a des quartiers à bouillouls insupportables. Et le flic va bouffer son casse-croûte et il prend un casse-croûte avec les bouillouls. Qu'est-ce que vous voulez en dire même sur le ton de la blague. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que, oui, moi j'ai appris qu'il y avait des zones dans ces coins-là. Quoi. J'ai dit, bon, voilà, t'as des belles côtes, des villages et compagnie. Et donc, tu as des centres commerciaux où il y a tout le temps des contrôles de police parce que les mecs sont tout le temps en train de vendre de la cam, quoi. Ouais. Et c'est ça, donc le flic, manque de bol, il était allé prendre son casse-croûte là où le type, bref. Vent quoi, hein. il lui marcher sur son étal, donc quelque part c'est problématique. Et c'est un rapport difficile entre commerçants et police, on va dire. Voilà, exactement. C'est juste une histoire de droit commercial. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Ils font baisser la fréquentation, c'est insupportable. Ouais, c'est ça. Ah, bon, alors, le flic du coup tout seul, bon, il y a des renforts qui arrivent, mais en fait les renforts c'est les renforts pour l'arabe quoi. renforts, ouais, ils arrivent, mais c'est les arabes. Ouais, c'est ça. Donc autisme radical, les renforts c'est pas les bons quoi. Alors, il y a des petites erreurs qui se sont glissées dans le texte, hein, quand c'est marqué un homme connu des services de police, donc ça veut dire en fait arabe, ça c'est une coquille. Oui. Quand c'est marqué, il a appelé un groupe de jeunes de quartier émaillés par des scènes de violence et de contrôle de stupéfiants, donc ça veut dire des arabes. Hein, voilà. Il y a aussi un manquement. Quand il y a quelques nègres, hein. Oui, il y a peut-être aussi quelques nègres, effectivement. Il y a un manquement, hein, quand c'est marqué, certains jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue, ils ont été relâchés le lendemain, ils auront un rappel à la loi et puis un stage poney. Ça aussi, c'est manquement. Mais sinon, pour éviter de perdre du pognon, moi, je vais faire des économies plutôt d'éviter d'embaucher de nouveaux flics. Sinon, on vire les arabes, hein. Comme ça, il n'y a pas besoin de nouveaux flics. Hein. Moi, j'essaie de faire des économies là où on peut. Apparemment, c'est un peu l'austérité. Ouais. Je propose, hein. Ah, c'est bien ça, de faire de l'austérité au niveau des bougnoules. Pas mal, ça. Mais je crois pas, là, on est quand même dans une grande phase d'expansion bougnoulique, là, quand même. Hein. Mais l'idée est bonne, hein. Austérité vis-à-vis des bougnoules, pas mal. L'idée est bonne, effectivement. Ça... D'ailleurs, enfin, ça serait à noter, si vous voulez, hein, de montrer ce type de cas-là, hein, à nos collègues qui peuvent aller discuter avec les gilets jaunes, comme certains le font ici. De montrer, voilà, oui c'est dès que tu mets dès que tu mets du divers, bah, tu as besoin de fric pour faire tourner ça, parce que sinon c'est le bordel. Ben, voilà où vont les impôts, entre autres, hein. Autre que dans leur poche, hein, bien entendu, oui. Plus les allocations, mais en plus tu as le ciment qui vient tenir tout ça pour pas que ça pète, les flics, voilà. Alors Alex, à Kermoisen, là, qu'est-ce qui se passe à Kermoisen ? Toi, tu connais peut-être un petit peu le secteur, je ne sais pas, mais cette histoire te fait marrer ou elle te fait pas marrer ? Le sandwich de la guerre. Oui, bah écoutez, oui, c'est frappant, comme on dit, si j'ose dire. Oui, c'est un centre commercial qui a été rénové, vous retrouvez des articles sur ce sujet-là, 7 millions d'euros pour refaire un neuf... Pour des questions au départ de normes, hein, bien sûr, hein, le centre commercial et la galerie qui a été refaite, mais derrière l'idée c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est parce qu'il n'y aurait pas assez de moyens que certaines populations ne s'intégreraient pas, donc en renouvelant le mobilier urbain, on est censé favoriser l'intégration des jeunes, et ben là on voit que ça ne fonctionne pas tellement. Hein. Moi je crois pas tellement que ce soit le mobilier qu'il faille renouveler. Hein. Ah, ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Hein. Ça dépend pour qui. Ça dépend l'ultra-droite sélicieuse. Ah oui, l'ultra-droite. Au-delà de la droite. C'est quoi au-delà de la droite, il y a quoi ? Moi, je m'interroge. Hein, mes notions de géographie deviennent douteuses. Là. Enfin, mes notions spatiales, disons. Au-delà de la droite. Je sais pas, il y a peut-être l'au-delà de la gauche. C'est le vide. La méta-droite. C'est comme quand tu sors du disque terrestre. Tu vois, il n'y a plus rien. Ouais, on sait pas. Dans les terres. Ça dépend si la Terre est plate ou pas, Eric. Ah oui, le disque, n'est-ce pas ? J'évolue. Le dôme. Ah. Alors, mes petits amis, bon, on va quitter Quimper pour cette anecdote côte très pimentée, très très couleur locale. Hein. Là, on est dans l'exotisme, hein, donc en Bretagne, hein, bien. Alors, bon, les flics, moi, ça me fait marrer parce que les flics de Quimper, ils sont là, les syndicalistes, on veut plus de renforts. Non, mais c'est pas le problème, c'est pas les effectifs, les mecs, c'est la population. À un moment donné, il va quand même falloir que dans la police, on commence un petit peu à avoir une paire de couilles aussi. Ça pourrait être utile à un moment donné, quoi. Parce que si vous continuez à dire, ouais, c'est marrant, il y a des fuites, il nous faut plus de gamelles pour écoper. Non, ça va pas aider. Ça va pas aider. Donc, je sais pas. Faites un brainstorming entre quatre murs, réfléchissez. Et peut-être qu'à un moment donné, le mot magique va apparaître. Bougnoul. Ça va peut-être. Ça, je sais pas. Bon, croisons les doigts, mais je ne sais pas. Alors, rubrique numéro 3. Les juifs. Ah oui, les sales juifs de la semaine. Hein. Ouh, alors là, c'est carabiné. Alors, bon, on en a parlé un petit peu. C'est un peu en filigrane. D'aucuns vont dire, à force, on risque d'être accusé d'antisémitisme. Je ne vous le cache pas. Hein. Ah bon, c'est un petit peu. Ah, la possibilité est très réelle. Mais je tiens quand même, puisque nous sommes des nationalistes rationalistes, c'est important à souligner, nous sommes des gens terre-à-terre, pragmatiques, qui ne croyons pas aux théories de la conspiration, ce genre de choses, il faut être concret. Alors soyons concrets pour un petit peu démystifier tous les malentendus, tous les on-dit, toutes les rumeurs qui courent, notamment sur la question juive. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les juifs, c'est le juif, et je dois dire que moi-même je pense que les juifs sont des sales juifs, mais je vais vous donner un exemple qui peut-être corrobore ou ne corrobore pas. Là, je vais vous le livrer, je vais livrer ça à votre sagacité, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est marquant. Alors c'est, j'ai trouvé ça dans la presse protestante évangélique, attendez, la source évangélique.info, évangélique.info, donc c'est les protestants qui en parlent. Bible et d'autres ouvrages chrétiens devraient inclure des introductions et des notes de bas de page mettant en garde les lecteurs contre l'antisémitisme de certains de leurs passages, estime le Congrès juif européen lors d'une conférence organisée le 21 novembre à Vienne, en Autriche, par le chancelier Sébastien Kurz, le président du CJE, Moshe Kantor, a déclaré « Les communautés juives d'Europe sont de plus en plus préoccupés par leur sécurité et pessimistes pour leur avenir. Le Congrès juif européen a présenté un catalogue de mesures de lutte contre l'antisémitisme, très modeste, hein, 150 pages, parmi lesquelles sont mentionnées la Bible et le Coran, rapporte la radio britannique Premier. Dans le chapitre recommandations concernant les groupes et institutions religieuses, il est écrit « Les traductions du Nouveau Testament, du Coran et d'autres littératures chrétiennes ou musulmanes ont besoin de gloses marginales annotation. » Glose, ça veut dire annotation. Et d'introduction soulignant la continuité avec l'héritage juif du christianisme et mettant en garde les lecteurs contre leur passage antisémite. Hein, donc il y a des passages antisémites dans le Nouveau Testament. Donc le texte se poursuit ainsi. Bien que des efforts aient été faits dans ce sens dans le cas du christianisme, ils doivent être rendus et cohérents dans les deux religions, c'est-à-dire l'islam. Mais ce n'est pas tout. Hein. Parmi les autres recommandations présentées à Vienne, le Congrès juif européen a proposé que chaque pays d'Europe s'engage à consacrer chaque année un pourcentage de son produit intérieur brut à financer la lutte contre l'antisémitisme et que les entreprises du web soient tenues responsables du contenu antisémite sur leur plateforme, c'est-à-dire un peu de prison, ça ferait du bien. Alors voilà, les chrétiens vont devoir soumettre leur texte à la supervision du grand rabbinat d'Israël, c'est positif, et les États d'Europe, qui sont financièrement en très bonne santé, comme on le voit surtout en France, vont devoir consacrer une partie de leur budget à la défense des Juifs. Alors je suppose que c'est une défense très élargie, hein, ça va passer par toute une série de mesures, je veux le croire. C'est une défense, oui, qui va surtout consister à filer du pognon aux Juifs. Voilà, oui, c'est ce que je veux dire, c'est la même chose, oui, on est d'accord. Pour changer. Voilà. Mais n'oublions pas quand même qu'il faut foutre en taule aussi ceux qui sur Internet parlent mal. Voilà. Donc, je sais pas, des mesures assez modérées. Le PIB, j'aime bien, moi. Non, mais en plus, c'est modeste, tu vois. Le mec, il prend un pourcentage du PIB, tranquille. Oui, il fait un rapport de 150 pages. Non, il faut un pourcentage qui soit prédéfinie, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, voilà, il faut donner temps, hein, parce que... Oui, voilà, oui, en fait, oui, voilà, c'est ça, c'est, oui, c'est, on s'en fout de ce qui se passe, il faut un pourcentage. Ça fait très Moyen-Âge, quand même, tout ça, c'est-à-dire que tu, tu as des procès où les autres sont... Enfin bon, dans un pays normal, si tu veux, tu as le roi qui convoque les rabbins, tu vois, avec leurs écrits absolument... absolument délirant et ignoble, hein, le Talmud en premier, et voilà, ces gens-là sont convaincus d'avoir insulté les chrétiens et les goyes en général, hein, et bon, ben voilà, on brûle leurs bouquins, et puis on boit l'apéro, et puis on fait des belles petites représentations, des petites gargouilles dans les églises, avec des juifs autour d'une truie, tu vois, c'est très bien. Oui, ça existe. Judenzao. Oui. Voilà. Et là, non. Là, tu as les juifs qui arrivent. C'est l'inverse. Là, vos textes, là, ça va pas. Il faudrait quand même que là, vous avez un petit texte. Hein, vous mettez ça en bas de page. Hein, vous mettez ça. Hein, c'est bien. Voilà, si vous pouvez supprimer une ou deux pages. Non. C'est pas. Vous mettez ça en bas de page. C'est le rabbin prend le texte, il la note, il dit non, ça non, ça oui, ça non, oui. Ça non, voilà. Voilà, donc ça c'est le texte chrétien du futur, hein. C'est écrit par des rabbins, c'est un texte chrétien écrit par des juifs en fait. Voilà, voilà. En fait ça sera la Bible qui sera en bas de page. C'est la Bible qui sera en bas de page, ouais, du Talmud en fait, oui. Voilà. En tout cas merci les juifs, hein. Les juifs donc qui choisissent ce que nous devons lire ou pas, hein, pour notre bien, donc merci les juifs d'être aussi altruistes. C'est un retournement de situation, hein, voilà, par rapport au Moyen-Âge. Voilà. Le juif, mais voudrais, attends, pour le roi. Voudrais-tu dire que nous vivons dans une ère où le juif dominerait l'Occident? Oui, le juif est le roi de l'Occident. Oui. Dominerait-il le Vatican, par hasard? Oh, certainement. Enfin, le Vatican serait-il... Il se partage peut-être le Vatican avec les fiottes. Exact, c'est exact. Mais en même temps, rien ne dit que les fiottes ne sont pas déjà acquises à la cause des juifs. Je ne sais pas. Oui. Ouais, des francs-maçons, des communistes, des homosexuels, des juifs, voilà, ceux qui y aillent. Alors, non, mais voilà, je veux dire, bon on a un trêve d'ironie, comme le dit très bien Derek. Bon, on passe de la gloire du Moyen-Âge français avec Saint-Louis, donc voilà, à la situation présente où ce sont les juifs qui convoquent les chrétiens pour leur dire ce qu'ils doivent dire dans leurs écrits sacrés. Donc ce sont les juifs qui vont dire aux chrétiens ce qu'ils doivent écrire dans les textes sacrés. Ils leur disent ce qu'ils doivent avoir écrit dans les textes sacrés, et puis ils leur disent aussi combien ça coûte. Parce que, voilà, c'est ça. Hein, et tout en rajoutant que ceux qui... Ils ont dit, hein, que les entreprises du web soient tenues responsables du contenu antisémite sur leur plateforme, ça veut dire faire des otages. C'est ce que ça veut dire, hein. Si vous ne comprenez pas. Moi je traduis, je comprends très bien le yiddish. Je trouve très bien le yiddish. Et alors donc, en fait, les entreprises web, non, ça veut dire, voilà, vous avez, des choses ont été dites grâce à vous sur Internet qui nous critiquent. Si jamais vous n'agissez pas, vous serez jeté en prison, etc. Vous subirez des peines d'amende, etc. Bon. Là, on parle quand même, c'est plus anecdotique, c'est que maintenant ils exigent, on peut dire ça, cette formule aussi, oui, c'est très bien trouvé, ça a été publié sur le site, c'est l'histoire du pourcentage de PIB, en bon français, ça s'appelle un tribut. Hein. Oui. C'est un tribut. Ou aussi de l'extorsion. Oui. Hein ? Donc le tribut, c'est le pays vaincu vous doit l'argent simplement par le fait que vous l'avez vaincu. Donc, l'état de sujétion est traduit par un transfert de richesse prélevé sur le pays vaincu, bon, voilà. Ou alors de l'extorsion, c'est-à-dire que c'est par le chantage, par l'intimidation, vous demandez à une victime de vous donner de l'argent. Bon, bah, c'est exactement ça, voilà. Ouais, comme les dhimmis chez les musulmans, quoi. Voilà. Moi, je dirais simplement que c'est le roi récolte l'impôt sur ses terres, hein. C'est tout à fait normal. Hein. Bah, voilà, le roi juif. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est illégal, c'est de l'extorsion. Quand ce sont les juifs, c'est de l'impôt. Mmh. Donc, vous êtes dans une. Mais par contre, si vous dites que vous vivez dans une colonie juive, alors en fait, c'est même pas la France, parce que là, c'est l'Europe. Hein. C'est l'Europe, là, attention. Hein. Et même plus que ça, c'est l'Europe, c'est la chrétienté, carrément. Hein. Alors, on voit grand, je te dis, on voit grand. Alors, le christianisme peut être antisémite, mais le judaïsme, lui, n'est jamais antichrétien, ne l'a jamais été, non. Il ne peut pas l'être, c'est sûr. Hein. C'est... Le Talmud, précisément, a été écrit après le christianisme, après la venue du Christ. Donc, par conséquent, ceux qui se réfèrent, ceux qui se déclarent juifs aujourd'hui, ce sont des gens qui refusent cette idée qu'il y aurait une nouvelle alliance, donc ils refusent la divinité du Christ. Vous me direz, il y a beaucoup de Français de souche qui aussi ne croient pas, mais il n'empêche que, par définition, le fait de se dire juif, notamment religieux, c'est être anti-chrétien, puisque c'est ignoré et méprisé souvent, puisque c'est évidemment l'Église et toute la chrétienté. Ouais, tu t'égares, parce que par définition, les juifs sont bons. Excusez-moi, je m'excuse. Oui. Fulbert. Non, j'ajoutais, les juifs sont bons et précieux, tout simplement. Oui. Donc voilà, prélevons l'impôt sur ces goyes vaincus, ces colonies, hein, je veux dire, aujourd'hui l'Europe est une colonie juive. Alors, si jamais vous aviez des doutes, là voilà, là c'est clairement exposé, quoi. On vous le dit clairement, là c'est même pas, je sais pas quoi, un juif illuminé, non, c'est le Congrès juif européen, accueilli par le premier ministre autrichien, hein, donc la droite populiste. Hein, oui, mais il n'y a peut-être pas une remarque à faire là-dessus. Vas-y. Je m'étais laissé dire que le Congrès juif européen se rassemble une fois par an. Qu'en pensez-vous? C'est correct? Moi, je crois que c'est correct, hein, mais bon. Mmh. Une fois par an. Or, est-ce que ce n'est pas l'Autriche qui a la présidence de l'Union européenne? Bah, bien sûr que si. Ah ben voilà. Donc le type, il est bien obligé à rien à faire s'il y a une réunion de là au niveau européen. Du Congrès juif mondial, fatalement, le numéro un du pays qui est à la présidence de l'Union européenne doit être présent. Ah, c'est-à-dire que tu subodores que en fait un chef de l'État ne peut pas se défiler et doit répondre à la convocation des juifs, peu importe où ça se passe. Oui, même dans d'autres cas. J'ai l'impression que c'est ce que tu veux dire. J'ai l'impression, en fait, que c'est ça, en fait, c'est les juifs qui convoquent, en fait, le chef de l'État ou le chef du gouvernement et pas tellement l'inverse, en fait. Fatalement, par la force des choses, par la force de l'Union européenne, en tout cas. Ça, non, mais Vienne est connue pour être un épicentre de toutes les agences de renseignement d'Europe. Hein. Bon, vraiment, bah, bon, c'est connu. Bon, c'est... Donc, ils trempent là-dedans, etc. Et puis ensuite, n'oubliez pas que c'est l'Autriche, qui est la patrie d'Hitler, quand même, ne l'oubliez pas, le populisme, et que c'est une façon de combattre, en réalité, de manière feutrée, le peuple allemand. Ne l'oubliez jamais. Hein. Les juifs ne font jamais rien à dessein. Donc cette race de bandits, de crapules, de criminels, bon, race d'escrocs, hein, la plus grande race d'escrocs qui ait jamais existé sur cette terre, calcule le moindre pas. Et attaque toutes les nations d'Europe, vous le voyez. Si jamais ces juifs devaient obtenir ce qu'ils veulent, vous auriez... vous savez, on avait parlé pendant très longtemps, là, les gauchistes aimaient bien la taxe sur les transactions financières, je sais pas quoi, pour financer un truc à Chirac encore, ça, pour financer des nègres qui se multiplient pas assez, bien sûr. Bah, si vous écoutez ces youpins, on aura la taxe juive, hein, bon, ça sera présenté comme ça, la taxe contre l'antisémitisme, ou ils appelleront ça autre chose, pour l'harmonie entre les peuples, ou un truc comme ça, et ça retombera, enfin, tous les écus tomberont dans la poche, comment dirais-je, d'Israël, hein, c'est très clair, hein, c'est très très clair. Donc, on voit bien que... Dit Fulbert. Oui, d'accord. Oui, je voulais attirer l'attention aussi sur le fait que Vienne, la capitale de l'Autriche, a été une ville, c'est Hitler lui-même qui le dit, qui était une ville pratiquement juive. Oui, juive. Qui avait eu un bourgmestre antisémite de très gros calibre. Luger. Qui s'appelait Luger. Hein, Luger. Quel beau nom quand même. Excellent personnage. Ce qui n'était pas une petite performance de se faire élire comme maire antisémite d'une ville où les juifs avaient un poids incroyable avant la Première Guerre mondiale. Les gens ne le supportent pas. On a là, les esprits des Tarakés sont venus de là. Hein. Évidemment Freud, bon, il y a toute une série, je ne les ai pas tous en tête, mais Schindler, enfin, toute une série de juifs complètement détraqués hein, qui ont mobilisé toutes les légions de l'enfer pour essayer de détruire l'Occident. Hein. C'est absolument incroyable. Hein. Et c'est pour ça que les gens sont là. C'est parce qu'on fait une petite digression sur Adolf Hitler. le grand Adolf Hitler quand même. Les gens se disent mais pourquoi il est devenu antisémite, etc. Et c'est très intéressant, il en parle. Et il dit que dans sa jeunesse, au tout début, il était un ami des juifs. Hein. Il le dit, hein, il était libéral, il défendait beaucoup les juifs, il ne comprenait pas en fait l'hostilité que rencontraient les juifs. Et à chaque fois qu'il entendait des propos antisémites qui étaient formulés autour de lui, il prenait passionnément la défense des juifs. Ce que les juifs n'aiment pas souligner ou n'aiment pas rappeler en fait. Donc Adolf Hitler était un philosémite jusqu'à ce qu'il prennent contact avec les juifs, qu'ils les découvrent, et que les découvrant, ils deviennent totalement antisémites, en fait. C'est que les philosémites sont soit des escrocs, soit des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a deux sortes de philosémites. Et comment dirais-je, Adolf Hitler, rencontrant des juifs, discutant avec des juifs, il y a des passages extraordinaires hein, dans Mein Kampf. Hein, quand il explique comment, de bonne foi, il discute avec des juifs, il dit c'est incroyable. Même quand, au bout d'heures et d'heures de discussion avec un juif, vous arriviez finalement à obtenir une concession du juif reconnaissant que finalement tel ou tel point était vrai, le lendemain vous le rencontriez à nouveau et le juif c'était comme si c'est jamais rien passé, c'est-à-dire qu'il reprenait les mêmes bobards au point de départ et peu importe ce que vous aviez dit la veille, ça avait glissé sur lui comme de l'eau sur un canard quoi. Fascinant. Et pour tous ceux qui connaissent les juifs savent que c'est vrai quoi. Et c'est Vienne qui a vraiment permis à Hitler de comprendre la question juive en fait. Alors que c'est pas du tout quelqu'un antisémite au départ. Hein. Mais évidemment il y a toute une littérature juive là-dessus, hein, les historiens ratés, les approximations, les on-dit, machin, on ne sait pas pourquoi, comment, c'est psychologie, c'est sexuel, il y a même des théories comme ça, des théories freudiennes appliquées à Hitler, ça c'est comique ça. Et voilà, bon, donc pour en revenir, bah, ça, un siècle après, on y est toujours, hein, voilà, un siècle après, à Vienne, bah, c'est toujours le même bastringue. Voilà, les goy doivent payer, ils doivent s'excuser, ceux qui bronchent, il faut les foutre en tôle. Et puis on va leur fabriquer une religion chrétienne qui sera très très bien puisque ce sera une religion juive. Alors ils ont voulu le faire hein, et ils ont fait tout un foin quand le film que je vais citer est sorti, La Passion du Christ. Ils ont voulu le noter, le censurer parce que forcément ils n'aimaient pas le contenu, mais ils l'ont pas fait. Donc j'invite tous nos auditeurs, si jamais vous n'avez pas vu ce film magnifique, à le consulter. Vous allez voir, vous allez passer un excellent moment. Alors, la vérité historique antisémite. Hein. Précisons, ce n'est pas le contenu film qui leur a posé problème, c'est la religion chrétienne qui leur pose problème. Aussi. C'est la passion en elle-même qui leur pose problème. Je crois que c'est la vérité aussi qui leur pose problème. Oui, en général, oui, effectivement. Oui. Non, mais ça nous amènerait sur notre discussion, mais bon. Quelqu'un là-dessus, sur ces histoires de pourcentage du PIB Moi, je suis fasciné par ça, parce que je croyais que les banques juives, en fait, finalement, saignaient déjà les goyes suffisamment. Visiblement, il faut une taxe avec marqué dessus juif, en fait, je crois, pour qu'ils se sentent plus à l'aise, je sais pas. En fait, c'est le cachère, quelque part. On a le cachère. Oui, voilà. C'est ça. Ah là là. Bon, bah, n'oublions pas, moi je me solidarise du Front National et de Marine Le Pen, que le grand problème qu'affrontent aujourd'hui l'Occident et la France, c'est l'antisémitisme. Oui, ah on oui. a bah, nos meilleurs alliés. Hein. Oui, putain. Vas-y tu m'as réveillé, là, oui. On a appris cette semaine qu'il y avait un groupe de juifs hein, au Front National qui avait créé le Rassemblement National Juif. Le RNJ serait peut-être le Rassemblement National de la Jeunesse, hein, comme le fut en son temps le FNJ. Oui. Mais là, non, en fait, les jeunes, ouais, bon, ils n'ont qu'à crever, hein, vite. Hein. Le J, c'est les juifs. Hein, directement, il faut. C'est Sulzer hein, qui est à l'origine. Oui, Sulzer. Qui est une blatte hein, d'Europe de l'Est. Hein, voilà, qui a créé son... Oula, il a plus un physique du Moyen-Orient, quand même. Hein, Oui. De toute manière, bon. Oh, le front. Attends, non, mais le front. Ils viennent du même endroit. Plus... Mais... Oh, non. Non, mais l'Europe de l'Est. Non. Oui, je vois ce que tu veux, des ghettos d'Europe de l'Est. Mais enfin, oui, bon... voilà. Oui, c'est comme les juifs du RSS. Bon, type avec des gueules de Bernard-Henri Lévy, quoi. Hein. Pareil. Hein. Mais bon. Ouais, voilà. Donc. Ce parti définitivement foutra la poubelle, hein, on le savait déjà, mais... Oui, donc oui, précisons que donc, Sulzer, c'est dans Challenge hein, cette semaine, Sulzer a monté en fait un soviet à l'intérieur du Front National, en charge de surveiller l'antisémitisme au sein du parti. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il est en charge de surveiller que toutes les discussions et veiller à ce que tout le monde dise du bien des Juifs. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut que tout le monde dise du bien des Juifs. C'est important. C'est important, c'est important. Tu sens le parti français de la Renaissance française, là, quand même. Hein. Tu sens que t'es chez toi, quoi, tu vois. On sent de toute manière que les gens qui disent du bien des Juifs le font avec, de manière très naturelle. Bon, bah, c'est assez cohérent avec les recommandations du Congrès juif européen. Je trouve que c'est assez. Oui, c'est-à-dire que quand tu dis quelque chose ou quand tu dis quelque chose, il faut toujours que tu penses que tu as un juif derrière l'épaule. Qui regarde ce que tu fais. Alors par contre, un petit bémol quand même, avant de faire une pause musique, c'est l'antisémitisme un peu quand même affiché de Marine Le Pen qui refuse de verser 1% des cotisations du Front National au CRIF ou à Yad Vashem. C'est quand même choquant. Oui, bah, on espère que ça va être très vite réglé. Hein. Il y a des gens qui s'impatientent. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui s'impatientent. Auditeurs, si vous avez un peu de temps, écrivez à Louis Alliot, dites-lui que là, il faut une mesure symbolique forte qui rassure nos concitoyens juifs face à la montée de l'antisémitisme, parce que aujourd'hui, s'il y a en France, il y a un problème, c'est la montée de l'antisémitisme. Sur ces bonnes paroles, une petite pause musicale ? Oui. Allez. Une petite pause musicale, et on va parler gilets jaunes. Hopman, un mouvement inattendu, dis-tu? Ouais, ça a surpris beaucoup de monde, hein. Déjà, ça nous a surpris, je pense, nous, parce qu'on s'attendait à voir une manifestation, mais peut-être pas un engouement comme celui-là. Surtout, ce qui nous surprend, c'est vraiment le côté très populaire de la chose, hein, la France périphérique de Christophe Guilligilly, là. Et quelque chose, moi, qui me fait halluciner, c'est de voir que même des gens qui sont un petit peu politisés, ou un petit peu genre des gens qui suivent du donné, qui connaissent un petit peu des choses comme ça, légèrement ésotériques, on va dire, ne se rendent pas compte à quel point il y a une grogne, en fait, en France, qui est vraiment prégnante et qui s'exprime à travers ce mouvement. Parce que là, on va bien vers quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. À part si le gouvernement fait soit une très grosse marche arrière, soit si le gouvernement réprime dans le sang. Mais il peut pas, ils peuvent pas faire ça. Donc on est vers une contestation qui s'inscrit. Et c'est quand même assez surprenant. Surtout compte tenu aussi du climat, parce qu'on est quand même en on est quand même en hiver. On commence à se peler, il pleut, c'est pas forcément hyper sympathique de faire des activités en extérieur maintenant, et les gens sont dehors. Donc c'est vraiment l'expression d'un sentiment très profond d'injustice que vivent les Français. Oui. Sur cette mobilisation forte dans la durée, parce que il faut souligner ça, faire une manifestation comme ils disent nationale. 100 000 personnes dans la rue et si, avec des sifflets comme ils font à la CGT, des ballons flottants, vous savez, les trucs à la con de la CGT, de la CFDT, et là, hey, y en a marre, y en a marre. Bon, ça mène jamais à rien, vous savez. Là. Et là, c'est vraiment, on bloque, on stoppe, et voir qu'on a comme ça. Et qu'est-ce qui prouve que c'est un mouvement de travailleurs? C'est que les pics de mobilisation sont le week-end. Ça prouve que c'est le peuple. Et les gens sont blancs. Là, c'est pas des mobilisations à la con de fonctionnaires qui bloquent un jour, machin. Non, non, là, c'est vraiment le populo qui bosse dans le privé, qui est salarié, etc., et qui se déplace, quoi, et qui peut faire des trucs uniquement le week-end, quoi. Là, on voit déjà que c'est un mouvement du peuple. Ouais, déjà ça. Les mecs se bougent le week-end, pourquoi? Bah ouais, le reste de la semaine, ils bossent. Donc, déjà en ça, c'est pas un mouvement de gauche, j'ai envie de dire. Ça peut être social. Sans être de gauche, c'est ça que je veux souligner. Mais quand même, alors ça avait l'air d'inquiéter quand même le ministère de l'Intérieur, de dire, parce qu'ils ont quand même concédé ça, d'après leur propre compte, qu'il y avait quand même un plus 30% de mobilisation cette semaine par rapport à la semaine d'avant. Ça les a inquiétés. Ils ont voulu camoufler un peu les chiffres et ils l'ont quand même fait, mais là c'était un peu trop voyant, ils ne pouvaient pas se permettre de dire que la mobilisation s'essoufflait. Hein. C'était un peu trop voyant. Ah ouais. Si, hier, enfin, oui, parce que nous, c'est dimanche, hein, l'enregistrement. Donc, le matin, ils disaient que, ouais, non, à Paris, il y a 2500 personnes. Ouais, 13, je crois qu'il y a 13 personnes, ouais. C'est simple, hein, samedi matin, ils sont 20 000 en France. Voilà, il y avait 20 000 pelés, donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est une ville de province, hein. Une ville de province qui est pas contente, quoi, si vous voulez. Et sauf que tu vois les images de partout, tu vois que c'est des milliers de personnes partout qui assiègent les préfectures, on va y revenir, Avignon, mais partout, quoi, c'est sud de la France, nord de la France, l'ouest, l'est. Ah, tu peux décemment pas dire, ouais, ils sont 20 000. C'est pas un stade de CFA2 qui est rempli, là, faut arrêter les conneries. Hein. Non, c'est la France une fraction. Mais une fraction qui a un écho considérable dans la population. Toujours sur la mobilisation dans la durée, on est dans la troisième semaine. On est dans la troisième semaine, en fait, on amorce le mois pratiquement. Hein. Pratiquement. Ce qui est rare. Hein. Ce qui est rare. Hein. Bah, pour un mouvement non syndicaliste, oui. Parce que y a pas d'organisation. Vous savez comment ils font les syndicats, ils disent on va faire une journée de mobilisation. Là, c'est pas une journée, c'est tout le temps la mobilisation. C'est fondamentalement différent. Après, vous allez me dire, il y a des blocages lycéens, etc. Mais par définition, les blocages lycéens, bon, c'est pour glander durant les cours. Là, c'est vraiment le peuple. Donc, ça fait quand même plaisir. Petite chose. Vas-y, ouais, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, écoute, le truc que j'ai noté quand même, bon, d'autres l'ont noté aussi, mais ça fera plaisir à nos auditeurs. La manif précédente, enfin, la journée précédente, c'était un petit peu partout en France. mais aussi surtout à Paris. Hein. Y a, cette, le, comment dire, le mouvement Gilets jaunes avait mis en sordine une manif de féministes. Hein, je crois qu'on avait parlé, hein, le manif de féministes. Oui, voilà, ils étaient, ils avaient été invisibilisés, hein, pratiquement. Voilà, oui, le nouveau mot à la mode. Ouais. Ils avaient été invisibilisés par ça. Ils étaient la putain nègre à Soubré était pas contente, la putain nègre des grandes gueules. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'était la comment CGT. S'appelle non, non, non, la CGT, oui, la CGT aussi, si, effectivement. Si. Oui, non, si, aussi. Donc la CGT s'est faite invisibiliser. Où c'est qu'ils étaient? Je sais plus. Bastille, je sais pas. Même, oui, bref, Nation, République. Enfin, ils sont pas très imaginatifs ouais, à la CGT. Ouais, hein, ouais, ouais, c'est ça. Donc ils étaient dans leur coin, mais il y avait aussi le fait que c'était la journée mondiale des pousse-crottes, c'est-à-dire la journée mondiale du sida. Eh oui. Donc là, c'était coup double. Donc voilà, bravo les gilets jaunes. Communiste et PD. Oh ben bravo. Ouais, c'était pas la fête à Yann Brossaille. Hein. Ouais, soulignons que même les Black Blocs n'en ont rien eu à foutre de la journée contre l'homosexualité, la CGT, ils en ont rien eu à foutre. Hein. Ah bah oui, il peut faire casser. Hein. Voilà, c'est ça. C'est les anarchistes, quoi. Même les journées mondiales, déjà une journée, c'est fasciste. Dire qu'il y a une journée, pourquoi mardi, ça ne durait pas 48 heures. Ouais, bon. Voilà. Alors, les amis, donc une mobilisation dans la durée. Bon, avant de rentrer dans le détail, c'était la seconde mobilisation sur Paris. Il n'y a pas que Paris qui est mobilisé, soulignons l'entrée. Il y a des péages, etc., qui ont été stoppés. On va revenir sur d'autres choses qui se sont déroulées. Donc ce n'est pas uniquement Paris, mais Paris était censé être le pic. Et en fait, beaucoup se sont dit, non, c'est la deuxième journée à Paris. Bon, ils nous ont fait le numéro la semaine dernière, ça va être peanuts, il va pas trop se passer grand-chose, etc. Alors, j'ai suivi tout ça en direct, peut-être vous également, peut-être, en tout cas, vous n'avez pas pu, je pense, louper quelques images de ce qui s'est passé. Alors, votre réaction à chaud, entre guillemets, puisqu'on n'est pas le jour même, mais votre réaction sur, comment dirais-je, vraiment, ce que vous avez vu des affrontements. Je précise que Astérix nous a rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Voilà, alors donc des affrontements, de la deuxième journée d'affrontements dans Paris. Ce que vous en avez vu, ce que vous voulez en retenir. Voilà. Moi, ce que j'en retiendrai, déjà bonjour tout le monde, ce que j'en retiendrai, c'est que c'était vraiment chaud. C'est-à-dire, moi, j'en ai vu des trucs, 2005, le CPE, là, même la loi El Khomri et tout. Les gens étaient 10 fois plus nombreux, mais vu que c'était encadré, ils étaient 10 fois moins énervés. Et là, ce qui s'est passé, enfin, quand tu vois tous les trucs en feu et tout, alors moi, je suis pas mathématicien, mais on nous dit qu'il y a eu que 30 000 personnes, je crois, sur Paris, et on nous dit qu'on a développé, ils ont mis 10 000 flics à disposition, donc un flic pour 3 personnes, et il y a eu ces dégâts-là, les flics n'ont pas été rajouter un zéro, ils étaient pas 30 000, ils étaient 300 000. C'est juste qu'en fait, on peut pas les compter parce qu'ils sont partout, quoi. On est partout, désolé, je dis ils, parce que moi, j'ai pas pu y participer, donc je ne prends pas la gloire pour moi, mais c'est totalement notre mouvement et comme les gens le savent, on les soutient à 100%, hein, avec le cœur ou avec le corps. Ouais, alors c'est très difficile d'évaluer le nombre de participants. On ne sait pas combien il y a de personnes. Sur l'Arc de Triomphe, évidemment, il y a quelques milliers, mais bon, on ne sait pas vraiment combien il y a de personnes, pacifiques, pas pacifiques. On a vu des images sur l'opéra de gens pacifiques, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais qui d'autre sur ces images, hein? Vraiment, à brûle pour point, voilà, qu'est-ce que ces images vous inspirent? Bah écoute, moi, voir Paris qui soit dans cet état-là, ça me satisfait assez, quoi. C'est-à-dire que cette ville qui est remplie de... le grand pli de gens qui votent socialiste à fond la caisse et de Metec. Ouais, Hidalgo. Ouais. Voilà, Hidalgo, c'est-à-dire Hidalgo et avant de la Noé, c'est-à-dire que là, on a quand même 20 ans presque de crasse, de très très très très haut niveau. Donc voir que domo socialisme, hein, ouais. Ouais, ouais, oui, de, ouais, de socialo-sidaïsme plutôt. Ah oui, bah ouais. De Homo sapiens, ils n'ont retenu que le Homo. Hein. Exactement. Donc de voir des provinciaux qui montent à Paris. Et qui voilà, qui viennent se faire entendre, sac la ville, ça, hein, bon, ou qui mettent la ville à sac, ouais. Oui. Bon, il n'y a pas que, on va y revenir, mais bon. Ouais, non, mais c'est surtout aussi, des. Il y a aussi. Oui. Non, il y a non, il y a aussi, oui, les racailles, mais ça, c'est après, c'est les mecs qui viennent faire leurs courses dans les magasins. Mais ça, c'est bon, c'est encore autre chose. La journée, elle, qui a commencé à un petit avant 9h. Et allez, jusqu'à 16h, quoi, en gros, avant que les autres arrivent, ça a été assez. Oui, les scènes de violence, c'est dingue, quoi. Du gaz, des affrontements. Non, mais alors, précisons une chose. C'est-à-dire que, parce que là, les flics sont en train de se victimiser, etc. Alors, je parle de la police anti-émeute. Je parle pas de la police territoriale, je parle pas des gendarmes dans les. Oui, on parle des CRS, du maintien de l'ordre. Voilà, donc on parle vraiment des unités politiques, parce que les CRS, par définition, les gendarmes mobiles, par définition, sont des unités politiques. Je n'accable pas, évidemment, individuellement les CRS, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les opinions, etc., c'est pas le sujet, je parle des unités. Bon, ces unités, bon, elles ont été quand même sérieusement ébranlées par la violence qui a surgi. Ils avaient déployé un effectif en gendarmes mobiles et CRS sur Paris de 4000 hommes. Ouais. 4600, je crois. Ah, 4600 d'accord, j'avais entendu 10 000, ouais, 4600 policiers et gendarmes. Ouais, attention, Castaner avait dit qu'il a. On parle des unités mobiles, hein. ça ne compte pas la police conventionnelle. Hein. Voilà. Hein. Et alors, oui, donc ça doit être 10 000 hommes à peu près. Ouais. Au total, oui. Mais alors, les unités anti-émeutes, c'est. Entre, bon, du coup, moi j'ai entendu 4000, mais vous dites 4600. Bon, on est dans ces eaux-là, c'est quand même énorme, en sachant que la France dispose en tout et pour tout de 25 000 policiers anti-émeute. Enfin, policiers et gendarmes anti-émeute. Donc c'est quand même 20% des effectifs sur Paris. Paris-Centre, hein. Ils ont, la semaine dernière, utilisé 4000 cartouches de gaz contre la population. Donc ils ont gazé. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, on peut même en parler tout de suite même, mais ils ont utilisé 4000 cartouches de gaz contre la population la semaine dernière, cette semaine 10 000 cartouches de gaz. Attention Gandalf, je connais quelqu'un qui va pas être content que tu utilises ce terme. Hein. Ah bah oui, tu vois qui veut parler. Citons-le tout de suite, peut-être. Pourquoi pas, Bernard Lévy, un cheveu long, tout le monde l'a reconnu, le philosophe milliardaire. Ah, on va citer quelques tweets de Bernard-Henri Lévy, qui est vraiment le juif, quoi. Le juif dans toute sa splendeur. Éternel. Le juif éternel. Ouais. Alors attendez, je vais vous donner ça. Alors, c'était hier. Hein. On a été gazé, répète, en boucle sur toutes les chaînes, les gilets jaunes. Savent-ils ce que gazé veut dire? Voici ce qu'il disait en préalable. Deuxième tweet. Toujours le 1er décembre, le 2 décembre, à l'attention des hypocrites qui font semblant de ne pas comprendre, je persiste et signe être gazé à Verdun, en Syrie ou à La Ghouta, enfin ils pensent très très fort à Auschwitz quand même, hein, pour ne pas parler de Birkenau, n'a rien à voir avec les lacrymogènes d'aujourd'hui. Donc Bernard-Henri Lévy, c'est un torrent de tweets, hein. On pourrait tous les citer, c'est hallucinant. Hein. On voit qu'il est en train de paniquer. Hein. Ah oui, alors là je vous en cite un autre, quoi. Enfin dans le JDD, donc il crée un truc, alors, le JDD c'est une réunion de juifs en direct, si vous ne savez pas c'est la réalité. Enfin dans le JDD, le journal du dimanche, un appel des gilets jaunes libres. Alors ils ont créé un label, les juifs créent des labels comme ils disent ça, libres. Vous savez, vous allez... Les forces iriennes libres. Voilà, quand tu es sous la coupe des juifs, tu es libre. Néo-libre, voilà. Quand il y a égalité, liberté et fraternité, c'est souvent que c'est juif. Ah bah merde, c'est le truc français. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a la France libre aussi, hein, le média de Golnadel, tu sais, qui est 100% français, tu vois. Et là, tu as les gilets jaunes libres, tu vois. Non, mais c'est enfin, les youpins, quoi. Qui, venus de plusieurs régions de France, précisent leurs revendications tendent la main au gouvernement et surtout condamnent, notez bien, ah surtout oui. condamnent les violences d'hier. Un premier pas, point d'interrogation, gilet jaune, gilet brun, en hashtag. Faut qu'il arrête de traîner sur démocratie participative, Bernard. Oh là là, alors attention, alors, je vous en donne le dernier tweet, il a moins d'une heure, dimanche soir. Des casseurs vandalisent un salon de coiffure, c'est peut-être le sien d'ailleurs. On entend l'employé supplier qu'on épargne son outil de travail et le sociologue de service d'expliquer, sans personne pour le contredire, illustration du conflit Paris-Province, navrant et odieux. Alors non, c'est pas Paris-Province, c'est Juif-Province. C'est pas du tout pareil. Comment dire ? Donc, Salgoï, arrête de te révolter, Auschwitz. Condamne, surtout condamne. Hein. Condamne ta propre révolte. C'est bizarre parce que Bernard Lévy, il était très friand de révolution, de peuple libre, etc. En Syrie, en Libye, en Tchétchénie, en Ukraine, dans l'ex-Yougoslavie. Maïdan, ah, voilà, en France, c'est moins bon. Quoi. Ah ouais, il y a des gens qui ont le droit d'être violents, et puis ils n'ont pas le droit. Ouais, c'est bizarre. Mais alors, c'est surtout savoir est-ce qu'ils peuvent placer des copains à eux derrière, enfin des cousins. Alors, des copains ou des cousins, qu'est-ce que tu peux être plus précis ? Schlif ! Voilà. Non mais notez, non mais voilà, on parlait de duplicité, de mensonge. Voilà, voilà, alors voilà le juif éternel, Bernard-Henri Lévy, voilà, il vous explique. En France, sale goy, tu n'as pas le droit de te révolter, ça ne fait pas nos affaires. Ta gueule, rentre chez toi maintenant. D'ailleurs, Derek parlait de ceux qui ont le droit de taper, ceux qui n'ont pas le droit de taper, enfin je crois que c'est Derek. Ça, il faut bien l'expliquer, parce que je pense qu'on a encore tous des amis non nazis. Enfin, on en a de moins en moins, parce que de moins en moins. Gagner les esprits. Ouais. Ouais, ça progresse. Mais il nous en reste encore. Et en fait, moi, j'ai un ami qui était là-bas et qui me disait, écoute, tu me dis que c'est ton mouvement et tout, mais en tout cas, les mecs d'extrême droite, ils font rien. Ceux qui se battent contre les flics, c'est les antifas. Il faut bien que ces mecs comprennent que quand un mec d'extrême droite se bat contre un flic, il risque 5-10 ans de tôle. Quand un antifa se bat contre un flic, c'est une main courante. Quoi. C'est vrai. On en a parlé en début d'émission, et il faut le souligner, c'est très important. On peut bien sûr souligner la désorganisation de beaucoup de nos camarades. Pourquoi ? Parce que, c'est stupide à dire, mais... Et c'est aussi un peu une forme de culpabilité, soyons sincères. Nous ne sommes pas des gens qui aimons semer le chaos dans les rues pour le plaisir de semer le chaos. Ce n'est pas notre culture. Nous sommes plutôt des gens d'ordre. Bon. Mais là, il faut souligner un point, un hiatus, qu'on retrouve d'ailleurs dans le cadre de la police, notamment. On n'est pas anti-flic, nous. On n'a jamais été anti-flic. Parce qu'on comprend que dans une société, il faut un cadre et que tout n'est pas permis et qu'il faut une force publique pour intervenir le cas échéant quand ce qui est inacceptable est commis, c'est certain. Mais quand le régime lui-même est établi sur des principes fondamentalement faux d'une part et qui mène le pays à l'abîme d'autre part, la force de conservation ou de protection qu'est la police ne remplit plus un rôle objectivement positif, mais un rôle objectivement négatif. C'est-à-dire qu'elle permet au mal de se poursuivre. Et c'est tout le dilemme de la police, parce qu'on nous demande, à nous, qui sommes des nationalistes et des partisans de l'ordre, voire des fascistes, ou pour certains d'entre nous des nationaux-socialistes, on nous demande de soutenir la police par principe. Et c'est vrai que par principe, la police est conservatrice dans sa fonction. C'est-à-dire, dans sa fonction, elle conserve l'état existant. La police est fondamentalement sur une position défensive. Elle protège. Sauf que, elle protège aujourd'hui un régime mais tellement corrompu, tellement détestable, qui nous fait les pires lois, très honnêtement, et qui n'attaque jamais la vermine, dans les banlieues et ailleurs, du fait de la police, on est bien d'accord, c'est la magistrature, c'est tout un système, c'est une ambiance culturelle qui fait que. Mais on ne peut pas comme ça aveuglément dire à la police, oui, on est pour la police par principe. Non, il faut avoir quand même un peu de... comment dirais-je, de sens critique là-dessus, quoi. Donc, c'est quelque chose dont est totalement incapable le parti de l'ordre, c'est-à-dire la droite réactionnaire, donc la droite du système. Qui n'est oui, pas. Bah, qui ça, n'est pas, c'est un gros, gros problème. Enfin, tu l'as tellement bien expliqué que je ne vais pas reprendre, mais c'est vrai que c'est un problème que j'ai très souvent remarqué chez nos camarades de droite. Un respect de l'ordre qui va parfois jusqu'à l'absurde. Moi, j'ai déjà eu des débats avec des mecs qui disaient écoute, si Bernard-Henri Lévy, Hollande et tout ça tiennent la France, c'est parce qu'ils méritent, c'est parce que ce sont les plus forts. Peut-être sans inclure le vice, c'est-à-dire sans inclure le vice dont ils ont fait preuve, et puis sans inclure le fait que eux, ça s'est étalé sur des siècles et que nous, on vient de naître. Tu vois, le type était un droitard et me prétendait que Hollande était une élite, en tout cas, bien plus légitime que nous tous qui parlons sur Internet. Moi, je disais, non, là, tu te plantes. On est dans une inversion totale de tout, et on est à une ère où les meilleurs sont en bas, enfin pas tous évidemment, mais bref, tu l'as bien expliqué de toute façon, mais toi tu l'as expliqué pour les flics, mais parfois ça va jusqu'à valider même le gouvernement. C'est ça qui est incroyable, ça valide tout l'ordre en fait, l'intégralité de l'ordre, y compris quand tout va mal. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le par principe le haut à raison, le bas à tort. Le haut doit diriger, même quand il est objectivement médiocre. Là, c'est un dysfonctionnement, parce qu'il faut bien que tous ceux qui nous écoutent le comprennent, je pense que beaucoup le savent. Normalement, la méritocratie permet, sans révolution et sans sang, aux meilleurs éléments de la base de monter vers le haut pour tirer vers le haut le peuple. D'accord ? Ça, c'est ce qui se passe normalement. Sauf qu'évidemment, par phase épisodique, vous avez une sédimentation, une fossilisation des élites dirigeantes qui verrouille ce phénomène d'ascension des meilleurs éléments et d'évacuation des éléments les plus médiocres du haut de la pyramide. Bon. Quand ça se produit, tout le système entre en dégénérescence. Parce que ce ne sont plus les meilleurs qui dirigent, ce sont ceux qui sont les mieux placés par affinité, par coterie. D'accord ? Et c'est dans ce cadre-là que la police remplit un rôle qui accélère la dégénérescence parce qu'elle protège la dégénérescence. Donc il faut toujours contextualiser le rôle d'une institution. Si on est par principe pour la police, mais on est pour l'ordre, on n'a rien compris au film. D'accord ? Donc c'est pas une condamnation de la police, c'est pas une condamnation des policiers, c'est pas même pas une condamnation de l'existence même des CRS. C'est qu'à ce moment précis, au plan politique, leur action est extrêmement néfaste pour la nation française. Je pense que beaucoup de policiers le savent. Je pense qu'ils comprennent très bien tout ça, ils se rendent compte qu'ils, par la force des choses, enfin, par la force de la loi et de l'institution, ils protègent des pourris, ils aimeraient faire autrement, mais ils ne peuvent pas se substituer, si vous voulez, au peuple. Et précisément, nous sommes à ce moment-là, c'est quand le peuple, dans sa profondeur, là je ne parle pas des black blocs, hein, je parle vraiment du peuple dans sa profondeur, dit « bon, maintenant c'est assez, là. Assez de la corruption ». Assez de cette escroquerie permanente des élections, ça qui ne mène à rien. Maintenant, il va vraiment falloir que ça change. On va taper du poing sur la table. Et cette colère, mais qui est franche, qui n'est pas calculatrice, hein, qui est directe, ça frappe profondément la police. Parce que la police a toujours l'habitude des minorités agissantes. Que ce soit des brigands, que ce soit des minorités ethniques, ou que ce soit des professionnels de l'agitation dans les syndicats, mais voir le peuple rentrer en action, attention, au niveau de la police, ça c'est une toute autre affaire, et la police est généralement très rétive dans ce type de situation, et essaye de trouver une porte de sortie pour elle-même. Bah, ils sont gênés, hein, ça se voit, hein, quand tu regardes leur gueule, oui. À part les CRS... Non, mais les CRS sont des techniciens. On leur dit, voilà, il y a tel périmètre à sauvegarder. Ils vont parler en technicien. Ils vont dire, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas le bon matos, le bon truc, le bon protocole, peu importe. Ensuite, tu as les politiciens des syndicats. Ça, peut-être que je vais vous solliciter là-dessus. Moi, je vois le syndicat Alliance qui est, honnêtement, c'est odieux le baratin qui sert. C'est immonde. Ils sont là, ils sont pratiquement à deux doigts de menacer la foule, machin. Bon, là, il y a du ménage à faire dans ces gros syndicats-là où ça suce des bites depuis des décennies au plan politique. Là, il y a du ménage à faire à grande échelle. Mais moi, je vois ces types-là arriver sur BFM pour dire on n'a pas assez. Ils pleurent, ils chialent. Les mecs chialent. Ouais, on n'arrive pas bien à matraquer les manifestants. Oh, quoi, voilà. Voilà, c'est. Mais en fait, ils disent pas les manifestants. Ils disent pas des manifestants ou des. Non, en fait, ils disent on n'arrive pas à mater le peuple. Il y en a marre, on souffre. Là, pardon. Pardon. Moi, je veux bien qu'on s'attarde sur le cas des Black Blocs, mais on n'a pas à faire. La France n'est pas mise en difficulté par 2-3 000 mecs des Black Blocs. C'est un problème beaucoup, beaucoup plus profond, plus large que ça. Et c'est ce qu'on entend. Et peut-être qu'on peut s'arrêter un peu là-dessus sur ces. Alors, pour distinguer toujours, parce que moi, je veux qu'on distingue les policiers des unités anti-émeute, c'est important. Et surtout, des cadres supérieurs de la police et des policiers de terrain qui ne vivent pas du tout ce que vivent leurs supérieurs. Enfin, c'est comme dans toute fonction publique, dans toute administration, quoi. Hein. Entre les grands boss et les gars qui sont en contact avec la population, c'est la nuit et le jour, quoi. On va en parler ? J'aimerais bien entendre peut-être Derek là-dessus, parce que... Bah écoute, ouais, ces syndicalistes qui passent de toute manière dans toutes les chaînes info, hein, et particulièrement la chaîne des Juifs BFM, bon, ce sont des gens qui ont leur ronde de serviette dans les loges maçonniques, quoi. Hein. Bon, voilà. On n'en parle pas trop des maçons, parce que bon, on est quand même pas mal occupé avec les Juifs et les fiottes, entre autres, mais pour tout ce qui concerne la République, hein, la République, bah, tu as toujours cette vieille pute qui est la maçonnerie qui est là à gérer tout ça en arrière-plan. Hein, donc, ministère de l'Intérieur, hein, c'est voilà. La maçonnerie. Truffé. C'est absolument tenu par la maçonnerie de part en part. Hein. Et donc, bah, les syndicalistes, forcément, sont des maçons. Font partie de l'établissement, hein, de l'appareil. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on a des gens comme Bauer, hein, le port juif, Bauer, ancien maître du Grand Orient. Voilà, il est là, ancien maître du Grand Orient. Oui, oui. Mais lui, c'est un tableau complet, c'est-à-dire qu'il est, il a rien pour lui. Hein. Il est juif, il est comment dirais-je, il est protestant, il est franc-maçon. Enfin, c'est des caricatures ambulantes. Des difformes. Il squatte toutes les télés, hein, faut voir. Moi, j'ai l'impression qu'il est partout, hein, sur toutes les chaînes. Non, il ne squatte rien. On l'invite. Ah. Ah oui, on l'invite. On n'invite pas de Gilets jaunes, on invite Bauer. D'accord ? Donc, pour savoir qui c'est, le grand ami de Valls, etc. Donc, vous voyez, cette république juive, maçonne, socialiste, démocratique, républicaine, toute cette chiasse qui nous a mené là où nous en sommes tous collectivement, c'est à eux qu'on le doit. C'est à eux qu'on le doit. Et tout d'un coup, il voit une colère, on va revenir sur la composition de la colère, mais il voit une colère et ça les met très mal à l'aise parce que leur digestion est passablement troublée. Passablement troublée, ça ne leur plaît pas. Bon. Alors, petits amis, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose, enfin, on continue dans la discussion, mais sinon... Non, d'accord. Vas-y. Les CRS sont en rupture. Là, on arrive à un point très intéressant de la situation sécuritaire en France. Donc, j'ai dit, il y a 25 000 policiers anti-émeutes en France qui sont en charge de la sécurité publique. Un peu plus de 2 divisions en termes militaires, si on veut. Et ils sont à bout. Ils sont vraiment à bout. Bon, je pense qu'ils exagèrent un peu. Je pense qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ils peuvent tenir encore un mois, deux mois comme ça au même rythme. Parce que c'est quand même des Gaulois, donc les mecs sont quand même des durs, mais ça use. Je cite. Pas tant que ça quand même, parce qu'il faut bien prendre en compte qu'à chaque fois qu'il y a des manifs, il y a quand même des blessés du côté des forces de l'ordre. Et les mecs, bon, bien sûr, il n'y a pas eu 1000 blessés pour l'instant, mais plus ça va durer, plus il y aura des blessés de leur côté, et les mecs, en fait, ils sont en train d'aller chercher leurs réservistes, par exemple pour les gendarmes, ou des anciens de chez eux. Ils sont en train de leur proposer, dit, ça ne dirait pas de revenir là pour quelque temps, parce qu'on a besoin de monde. Hein. Donc ça prouve que les mecs, ils n'ont pas tant de réserves que ça. Quoi. Bah, Castaner, il a été pris à dépourvu à cause de ça, parce que forcément, les flics, on a bien vu que malgré l'extrême violence qu'ils ont montré envers les manifestants. Débordés sur certains points, ils ont été obligés de reculer. Et lorsqu'on a interrogé Castaner pour sa gestion de la crise, il a dit « On a mis toutes les forces qu'on pouvait dans la défense de la ville, en gros. » quoi. Donc les 4600 policiers. Je retrouve la phrase, il a mis « Les moyens de la police, de la gendarmerie, de la sécurité civile étaient mobilisés aujourd'hui. » Donc c'est quand même un aveu de faiblesse assez criant. Hein. Ça fait peur. Hein. Enfin, ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Eux, ils ont peur, quoi. Je vais vous citer. On a utilisé 10 000 grenades rien que sur la partie CRS. Hier, on était dans une situation où bientôt on pourrait être mis en échec. On s'est retrouvé pendant un laps de temps à court de munitions, ça a été une catastrophe. On a été obligé d'intervenir auprès de nos directions d'emploi pour faire venir des réserves nationales, c'est extraordinaire. David Michaud, secrétaire national du pôle CRS au syndicat police, UNSA police plutôt. Donc, la semaine dernière, c'était 4000 cartouches de lacrymo, cette semaine 10 000, et la foule est de plus en plus déterminée à franchir les périmètres de sécurité. Ça vous inspire quelque chose ? Moi, j'aime pas trop pleurer sur le fait, les pauvres manifestants, machin, etc., mais je sais pas si vous avez vu les images, là, pour le coup, j'essaie vraiment d'être objectif. Mais j'ai l'impression vraiment que là, les flics, ils ont vraiment été extrêmement agressifs pour ce coup-là, pour l'acte 3. Franchement, je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet. Alors, est-ce que c'est de la peur ou est-ce qu'ils ont reçu des ordres Non, ils ont reçu des ordres. C'est très simple. C'est-à-dire que c'est une doctrine de la part de leur chef. On leur a dit, parce que les mecs s'inscrivent dans un conflit de longue durée. Donc, ils se disent, parce que ça a commencé à gazer dès 8h, en fait. 8h30, ça y est, c'est parti. Les premières cartouches de gaz sont parties. 8h30, 9h, ouais. Voilà, les mecs étaient, les gilets jaunes étaient au pied de l'Arc de Triomphe, ils étaient calmes, etc. Ils disaient, on veut aller sur les Champs-Élysées. Les mecs leur disent non, paf, les flics commencent à allumer, donc les CRS commencent à allumer, donc qui viennent pas pleurer ensuite, etc. Ils obéissent à leurs supérieurs, ils sont solidaires de la stratégie de leurs supérieurs, ça veut dire que jusqu'au bout, ils doivent assumer leur stratégie. Donc ils soient pas là en train de dire, on sait pas, on comprend pas, mais, non, en tant que CRS, ils sont dans un corps. Il y a des officiers supérieurs, ils les mènent dans une stratégie, la stratégie est payante, elle n'est pas payante, si elle n'est pas payante, ils ne peuvent pas venir pleurer. Ils ont commencé à gazer dès 8h30. Il n'y a pas beaucoup de manifestations en France où dès 8h30 le matin, tu commences à gazer du manifestant. Hein. Non, c'est extrêmement rare. En plus, le profil des manifestants, c'est un peu le français que le français moyen, tu vois, c'est monsieur. Non, mais ouais, à 8h30 le matin, je vous assure que c'était pas des Black Blocs, c'était pas des métèques, c'était des Français. C'était des Français qui travaillent, c'était des Français respectables, c'était des gens comme ça à 8h30 le matin. Moi, je l'ai regardé en direct. Donc, on ne pourra pas me raconter des conneries, on ne pourra pas raconter à d'autres des conneries. Après, comme toujours, la manifestation mute, c'est-à-dire que quand on arrive déjà plus tard dans la journée, les choses évoluent. Mais à 8h30 le matin, c'était des Français respectables. Ils se sont fait gazer immédiatement. Donc, la posture des forces de sécurité, des forces anti-émeutes, contre la population française au pied de l'Arc de Triomphe, c'était immédiatement, on les attaque. Et comme disait Pierrot, mais pourquoi ? Ben en fait, c'est simple. Ils se sont dit, si on tape fort maintenant, comme des brutes, si jamais l'idée leur vient de vouloir se remobiliser, ils seront intimidés. D'accord ? Donc c'est vraiment la question de l'escalade. Cher à Clausewitz, tu mets une gifle, je te fous deux coups de poing. Voilà, bon. Sauf que non. C'est-à-dire que malheureusement pour eux, les CRS n'ont pas des moyens illimités. En hommes, en matériel, et ça ne correspond pas du tout à la rage populaire. On pourra parler des Black Blocs, on va en parler. Mais quand on regarde les causes, et surtout le mouvement dans l'opinion, dans le peuple, ça n'a rien à voir avec un mouvement catégoriel ou un mouvement de radicaux. C'est pas le G20 avec, vous savez, des excités d'extrême gauche qui viennent péter. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous trouverez des clients que vous allez retrouver au G20 pour protester contre ou à Davos, mais ça n'a rien à voir avec la situation qu'on vit. Or, la direction de la police française, je pense que les gens les plus lucides dans la direction l'ont compris, mais je pense que les politiciens veulent pas le voir. Donc, on leur fait adopter des stratégies à la con de répression dure en disant, voilà, intimidez-les, gazez-les, balancez-leur dans la gueule, ils vont bien finir par se calmer. Donc, la semaine dernière, 4000 cartouches de gaz, cette semaine, 10 000, la semaine prochaine, 20 000. Mais jusqu'à où? Ok. Donc ça, c'est la dynamique actuelle. Qui veut s'arrêter là-dessus, juste sur la logique qui anime actuellement la police anti-émeute, en sachant que là, c'est ce qui ressort hein, de toutes les prises de parole chez les flics, c'est là, on approche de notre limite en termes de ce qu'on peut faire, quoi. C'est, on peut pas aller beaucoup plus au-delà. On peut pas aller, à moins de vraiment de ramener des unités depuis les régions sur la France, les effectifs, etc. Mais on va découvrir tout le reste, quoi. J'ai juste envie de dire que s'il y a des auditeurs qui ont envie de faire un petit peu de bénéfice, c'est le moment d'investir dans les stock options des fabricants de gaz lacrymogène. Voilà. La semaine dernière, ils avaient été obligés de courir dans leur centre d'entraînement, ramener des réserves, parce qu'ils étaient à poil, les mecs. Ils étaient à poil. Et vous avez vu les images? Là, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu les images des affrontements au pied de l'Arc de Triomphe? Oui, oui. Les flics ont repris finalement le terrain, mais il y a eu des scènes. Et c'était pas des casseurs d'extrême gauche, il y en avait, mais il y avait beaucoup de Français normaux, et ils ont lancé des assauts contre les flics, enfin les CRS quoi, les CRS ont détroussé. La stratégie, je vous pose la question juste comme ça, d'ailleurs, juste pour s'interroger, quoi cette idée débile d'essayer de contenir des gilets jaunes sur la place de l'Étoile avec 12 avenues qui concourent vers l'Arc? C'est quoi ce truc? Effectivement. Ouais. Quelqu'un a une idée de ce truc? Je sais, c'est d'où ça sort, ça? C'est Castaner qui a eu l'idée? Qui a eu cette idée à la con? Mais je pense que c'est Castaner, mais c'est un béné, hein, ce gars. Ça se voit, quoi. Enfin, t'sais, il a pas la lumière à tous les étages. À sa manière de s'exprimer, ça se voit. C'est comme Arnaud Klarsfeld, tu sens que c'est dur, quoi. Ça traîne. Non mais c'est débile, je veux dire, c'est débile, objectivement débile, il y a forcément des gens qui sont dans la police, des habitués des grandes manifestations, c'est quoi cette histoire de les canaliser sur l'Arc de Triomphe? C'est débile. Ils se sont dit, bon, tout sauf l'Elysée, je sais pas, hein, je spécule complètement. Ouais. Alors, on en est à un tel niveau en fait de dégénérescence du système, vous avez les syndicats. Donc c'est pas le rôle, hein, parce que les syndicats normalement sont là pour prendre la défense en fait simplement des fonctionnaires de police dans un cadre très précis, quoi, hein, c'est la défense des conditions de travail, etc. Mais là ils en sont à suggérer des stratégies de défense du régime. Alors là c'est plus du tout le même registre. Je vous cite, c'est cité par Valeurs Actuelles, hein. Donc c'est pas moi qui invente. Je vous lis ça. Pour le secrétaire général de police FO, Force Ouvrière, la situation pour la police a atteint un point de non-retour. Les forces de l'ordre sont épuisées et il faut que Macron le comprenne. Le syndicat Police Alliance Nationale a même demandé le renfort de l'armée. L'intervention de l'armée. C'est un cri d'alarme que pousse Yves Lefebvre sur France Info. Alors que le mouvement des Gilets jaunes termine son troisième jour de mobilisation massive, le secrétaire général de police Force Ouvrière s'inquiète. J'en appelle au gouvernement pour négocier sans délai avec les représentants pacifiques, tant des organisations syndicales, notez bien, tant des organisations syndicales, on te voit venir, que des gilets jaunes. Pour Yves Lefebvre, les forces de l'ordre sont au bout du rouleau et la situation ne peut plus continuer ainsi. Semaine d'intervalle, on est confronté à des violences extrêmes. Mais les collègues, ce syndicaliste, il faut que ça cesse, que le président de la République comprenne que sa police... La dernière barrière face à ces mouvements sociaux est exténuée, poursuit-il. Mais pour le syndicaliste, pas question pour la police d'enfiler un gilet jaune. Écoutez bien, pas question pour la police d'enfiler un gilet jaune en soutien aux citoyens. Le policier a une mission régalienne à faire, assurer la sécurité de ses concitoyens et assurer la sécurité des manifestants pacifiques. Par contre, si vous me posez la question de savoir si le citoyen que je suis, comme une immense majorité de base, partage une revendication légitime des gilets jaunes, je vous dis oui, bien évidemment, parce qu'on est touché en premier lieu. Et de conclure, on a une pression du travail, on a des heures à n'en plus finir, des conditions de travail qui sont particulièrement dangereuses, et on voit notre pouvoir d'achat baisser mois après mois. Comme pour corroborer ces propos, le syndicat Alliance Police Nationale vient de publier un communiqué sur Twitter dans lequel il dénonce la situation qui est ce soir insurrectionnelle. Pour ce syndicat, les paroles et messages de soutien du ministre de l'Intérieur ne suffisent plus. Il exige notamment le renfort de l'armée pour garder les lieux institutionnels et dégager ainsi les forces mobiles d'intervention. Bon. Vous voilà au jus, au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Bon, moi j'ai vu les mecs d'Alliance parler sur BFM TV. Bon, ce sont les chiens du système, hein. Y a pas d'autre terme. Je ne sais pas si les policiers se reconnaissent là-dedans, dans ce genre de porte-parole. Ça a un effet désastreux sur la population. Je le dis tout de suite, amis policiers, si vous êtes au syndicat Alliance, sachez que vos porte-paroles, ce qu'ils disent, peut-être se fait entendre dans vos rangs, mais alors, pour la population, c'est un effet désastreux, il n'y a pas d'autre terme. Mendier plus de moyens pour aller taper sur les types, non, ça, pour défendre ça, défendre Macron, je vous assure que c'est un très mauvais plan de communication. On voit que c'est pas du tout maîtrisé. Y a aucune précaution qui est prise par ces représentants, dits représentants syndicaux. Qu'est-ce que vous voulez en dire de ça, de cet appel du syndicat Alliance Police à l'armée, dégager des forces, qu'est-ce que ça vous dit de ce qui est en train de se passer pour défendre Macron en plus, hein, et les juifs? La République se radicalise contre son peuple, enfin la République ou la clique cosmopolite, oui, oui. À la tête de la France, voilà, bon, pour ne pas froisser certains. Mais c'est tout d'un coup le système devient militariste, c'est drôle. Oui. Alors dès que, quand il s'agit de bougnoules de nègres qui foutent des territoires français, qui transforment des territoires français en zone de non-droit, hein, eux-mêmes l'admettent. Bon, ben là en fait on les laisse faire, y a pas de problème. Mais par contre quand tu as un mouvement populaire avec des blancs, bah là, ouais, là, c'est les flics qui appellent l'armée. Oui, ça, c'est très puant, hein. C'est très puant, et oui, comme tu l'as noté, les policiers seraient bien inspirés de prendre position contre ce type de position de leur syndicat. Sinon, oui, ils risqueraient d'être amalgamés. Voilà. Oui, puis c'est de l'absence de remise en cause, c'est-à-dire plutôt que de se dire on va réfléchir à une nouvelle organisation, alléger un petit peu les taxes, voir comment est-ce qu'on peut faire, s'inspirant d'autres pays, puisque la France est la championne du monde des taxes, des pays qui sont plus libéraux et qui réussissent mieux. Mais non, plutôt que de réfléchir à ça, non, il faut absolument continuer dans la même voie, parce qu'on est persuadé d'avoir raison, quoi, c'est assez clair. Alors j'ai envie de vous interroger sur la position de Macron, là. Parce que là, on était vraiment dans l'émeute. Alors déjà, je veux dire un truc, ça m'importe. Bon, ça me fait marrer, sérieux, ça me fait marrer de voir tous ces gros bourgeois de cette République en juivet pleurer sur la violence de rue. Premièrement, pourquoi la République française est née dans la rue? D'accord? Elle n'est pas née dans les salons. Dans une certaine mesure, intellectuellement, si on veut, mais au final, elle est née dans la rue. Ou alors, on n'a pas lu les mêmes livres d'histoire. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont passablement caviardés, mais bon, quand même. Donc, le caractère émeutier de la République française, c'est dans son ADN. Alors, de voir la République jouer sur la fibre, on va dominer les radicaux, etc., ça me fait toujours un petit peu rigoler, quoi. Ça me fait toujours un petit peu rigoler. C'est pas surprenant, mais ça me fait toujours un peu marrer, quand même, au plan de la cohérence idéologique. C'est-à-dire que l'émeute, oui, mais quand ça leur convient, c'est toujours la même chose, quoi. Comme avec les juifs, c'est la double éthique, quoi. Peut-être peut-on s'arrêter un instant sur la composition des manifestants. Ça, c'est important, je crois, à souligner. Plage horaire, c'est pas les mêmes gens dans les rues, on est quand même d'accord là-dessus. Hein. Et voilà. Je sais qu'il y a des gens dans notre milieu qui ils sont pas contents parce que, oui, mais quand même, les Arabes, alors les Arabes très tardivement, hein, les Arabes c'est genre vers 10h du soir, hein, entre ouais, entre c'est, oui. C'est des gens qui. C'est tard. Voilà, des gens qui ont des horaires de travail hein, pour vendre la cam, etc. Ça se passe après que les gens rentrent du boulot, donc ils ont des horaires décalés. Pareil pour les manifestations, quand ils viennent faire leurs courses. Donc après que les flics, les CRS et tout aient fait, se soient bien fatigués sur les manifs. Sur les blancs. Sur les blancs, hein. Ben eux, ils arrivent avec leurs sacs et puis ils font leurs courses. Ça, alors là, on voit la permanence de la race. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec une cause politique au petit matin. Ensuite, tu as les gauchistes un peu idéalistes qui viennent manifester leur truc et casser, mais qui sont quand même des gens qui sont quand même fondamentalement des anarchistes, des gens qui veulent détruire des choses. Et puis le soir, tu as les pillards maghrébins, dont on nous dit le plus grand bien le reste de l'année, quoi, qui eux sont... Mais bassement matérialiste, ils en ont rien à foutre, mais bassement matérialiste au sens où aucune idée de productivité, de travail, etc., à la différence des gilets jaunes, quoi, hein, des gens qui travaillent et qui veulent voir leur travail reconnu. C'est des mecs, en fait, ils veulent parasiter le travail des autres, c'est-à-dire ils veulent piller, comme les juifs, mais c'est des juifs bas de gamme, quoi. En fait, les arabes sont des juifs bas de gamme, donc eux, ils te pillent au sens strict, c'est-à-dire qu'ils vont détrousser les magasins éventrés, quoi. Alors que le juif, lui, te pille au niveau financier. Mais c'est vraiment le même truc. Et au milieu, t'as l'arien, le travailleur, celui qui produit, qui crée, qui se fait totalement enculer par les deux. C'est-à-dire entre Rutel Krief sur BFM TV et les pillards bougnoules qui vont dévaliser les magasins, moi je suis désolé, c'est la même race. C'est la même race. C'est pas le même quotient intellectuel, mais c'est la même race. Ouais, tu as dit tout à l'heure que les gens, les blancs qui manifestent sont souvent, très souvent des gens respectables, alors à l'exception peut-être des Antifa. Mais un des exemples de ça, c'est aussi par exemple en Alsace. Alors, l'Alsace est normalement la région, une des régions les plus riches de France, là où il y a le moins de chômage, parce qu'il y a la proximité avec l'Allemagne, parce qu'il y a des gens bien formés, productifs, etc. Mais pourquoi les gens se révoltent en Alsace? Alors, on a vu par exemple à Ribeauvillé, devant le centre des impôts, ils ont construit des murs. Ils ont mis des briques qu'ils ont empilées avec du ciment, donc symboliquement, pas pour voler ou quoi que ce soit, pour montrer on en a marre de se faire prendre la majorité de ce qu'on gagne. Et ben ça prouve bien que oui, ce sont des gens, justement, il y a un problème de taxes, puisqu'ici, ils savent très bien, ces gens-là, ils sont très bien passés pour savoir que si jamais ils montaient une entreprise en Allemagne, ils pourraient gagner deux fois mieux leur vie, il leur restera deux fois plus à la fin du mois s'ils montent leur entreprise en Allemagne. Donc on voit bien que c'est des gens qui, alors soit ils sont eux-mêmes productifs, c'est-à-dire ils ont un métier, soit ils l'ont créé eux-mêmes parce qu'ils sont artisans ou auto-entrepreneurs ou salariés, bon, ou alors ils voudraient avoir du travail et ils n'en ont pas assez, donc c'est des gens par définition honnêtes. Tandis que celui qui, par exemple, touche les aides sociales tout en montant je sais pas quoi, un business de shit, etc., lui n'a absolument aucun intérêt à venir manifester pour la baisse des taxes ou la remise en cause du système. Il devient l'allié du bourgeois dont on parlait tout à l'heure, hyper fortuné, etc. Ouais. Oui, là, ça nous amène à poser la question en fait du pourquoi et du comment de cette mobilisation. Ce qui n'est pas souligné, en fait, parce que, vous savez, les médias juifs aiment bien se focaliser sur le côté spectaculaire, parce qu'ils jouent sur les émotions des gens. Donc, ils veulent choquer les bourgeois, déjà. Ils ont bien compris, et ça, on l'a dit ici, on l'a dit et redit, les bourgeois sont, par définition, les golems des juifs. Ce sont ceux qui veulent le statu quo. Faut pas que ça bouge. Et donc, ils rentrent jamais dans les détails de la question économique et sociale. Ils veulent pas interroger le système. Vous avez Karl Marie sur BFM, peut-être un peu sur BFM Echo, et encore très, très, très timidement, hein, on s'entend. On parle un petit peu de ce qui se passe un petit peu. Voilà, bon. Mais en fait, là, ça nous amène vers Macron, parce que ça explique la position de Macron, en fait, qui est un fantoche. Hein. La France, financièrement, elle est foutue. Vous n'entendez ça nulle part. Aucun média. Vous avez des médias alternatifs qui en parlent, bien sûr. Hein. Mais la grande presse, okay, la grande presse écrite, les grands médias radiophoniques ou télévisés, aucun n'en parle. Ils font du factuel. Oh, il y a une émeute, il y a une crise, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Mais allons au fond de l'affaire. Pourquoi il y a des émeutes en premier lieu? Et parce que la France est financièrement étranglée. Elle est étranglée par qui? Par la finance juive internationale, d'accord? Il y a une somme énorme de dettes qui croule sur la France, et on demande au prolétariat arien, au prolétariat blanc, de raquer et de souffrir pour payer toute cette masse d'intérêts qui a été consentie par des politiciens inconséquents pour s'acheter des clientèles pendant 40 ans. C'est ça qui se passe. Et vous avez tous ces gens désespérés. Des petites gens, c'est vraiment des petites gens qui sortent dans la rue, et je ne fais pas référence au Black Bloc, bien sûr, mais partout en France, qui sont dans un état d'esprit insurrectionnel. Mais une vraie et légitime insurrection. Pas une insurrection pour le plaisir d'eux. Et ça, c'est une toute autre affaire. Et vous avez cette machine médiatique juive qui ment, qui insulte, qui se garde bien de parler du fond du problème. On a la question de l'euro, de cette machine diabolique entre les mains de la finance juive pour opprimer et racketter les nations. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et on est censé avaler ça. Et il y a Macron au milieu. Il est là. Lui, c'est le fantoche qu'ils ont placé là pour augmenter les taxes. Et ils ont ce piège tout aussi diabolique de la fausse opposition d'extrême-gauche qui consiste à dire « Ah ouais, mais rassurez-vous, il faut augmenter les taxes des autres et tout ira mieux. » Non, augmenter les taxes en général sera dépressionnaire. Personne ne va gagner dans une augmentation générale des taxes. Parce que c'est ce que veut la finance juive. Et j'entends, et là je vous laisserai la parole là-dessus, ils nous disent « Il faut, comment dirais-je, augmenter... je sais pas quoi, les SMIC, les machins, etc. Mais ça va être impacté directement sur les prix. Ça, effectivement, il faut le dénoncer. Parce que le SMIC, c'est-à-dire n'importe quel livreur chronoposte avec des dreadlocks serait payé, j'ai vu, je demande 1800 balles. Au niveau de l'économie, c'est délirant. C'est-à-dire que le pays, on met la clé sous la porte. Hein. Voilà. Le truc, ce que je veux dire, c'est les gens demandent le SMIC. Mais il y a des mecs qui sont des SMICards qui bossent dur. C'est pas la question. Mais les gens réfléchissent de leur point de vue. Ils se disent, bah voilà, moi je suis SMICard. Je pense que. Enfin, quand on leur dit qu'est-ce que tu veux faire, bah j'aimerais gagner plus. Bien sûr, t'aimerais gagner plus. Bien sûr. Mais le SMIC, c'est une mesure collective. Or, c'est précisément la porte de sortie du système. C'est-à-dire que s'ils augmentent le SMIC, ça aura un impact direct parce que les entreprises vont augmenter les prix immédiatement. Immédiatement. Et tu n'auras pas à avancer d'un centimètre. Alors que quand tu dis « moi, je veux qu'on baisse les taxes », là, tu poses la vraie question. C'est-à-dire que tu dis « j'en ai marre de payer pour un système de raquettes organisé par l'État pour le compte de la finance ». Oui. Non, mais les entreprises ne peuvent pas encaisser ça, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as plein de boîtes qui sont là à vivoter, des petites boîtes. Imagine-toi le commerçant qui a un employé, le boulanger qui a la nana qui vend le pain. Tout d'un coup, tu augmentes de salaire de 30%. Ton pain va être 30% plus cher. Hein. C'est-à-dire que ça va plomber les PMI, PME qui sont le socle du pays et qui est précisément exploité par la finance juive. Donc c'est ça l'arnaque de cette gauche juive, Mélenchon et compagnie, qui ne mènera jamais à rien. Mais je veux croire, sur la base de ce qu'on observe, que les gens ont bien compris que ce n'était pas une question de SMIC. Ils sentent que le SMIC, mais ils sentent surtout qu'ils se font racketter et que c'est sans fin. Et là, je pense qu'on touche au truc. C'est pour ça que je crois pas. Bon, peut-être que les gens vont dire oui, on veut 1 500 € au SMIC, bien sûr, l'argent gratuit, pourquoi pas. Mais je crois que fondamentalement, les gens ont identifié le problème, c'est la hausse des taxes. Je vous laisse parler maintenant. Excusez-moi, je suis très bavard. La hausse des taxes touche tout ce qui font tourner ce pays, c'est-à-dire les gens qui travaillent, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant qu'indépendant. Ou que ce soit les patrons, les petits patrons, hein. Pas que les petits d'ailleurs, mais ça touche tout le monde, c'est-à-dire les gens qui font tourner la machine, hein, qui créent quelque chose. Ceux qui veulent de l'argent gratuit, ce sont en général des vieux, hein, on a payé une retraite, machin, oui, Hein, je fais chier, je peux pas acheter ma seconde maison. Qu'est-ce que vous avez à râler, quoi. Bon, il faut tuer dans l'œuf, hein, quand ces types-là commencent à sortir de l'argent gratuit. L'argent gratuit n'existe pas. Il C'est le n'existera jamais. vôtre. C'est le vôtre. C'est vous qui allez payer au final, hein. L'argent gratuit, ça sera augmentation de ton pain, par exemple, de tout, n'importe quel truc. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, Non, mais il faut c'est la c'est taxe. là, je pense qu'il faut. C'est nourrir le noir. Déjà, c'est les boomers et c'est aussi les métèques, quoi, les espèces de bons à rien qui vivent. Qui prolifèrent sur les subventions en tout genre, hein, la sainte caisse d'allocation familiale qui est la sainte patronne de toute l'Afrique. C'est-à-dire que il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que cette révolte antifiscale est une menace stratégique pour tous les parasites. C'est une menace pour les parasites ratios, c'est une menace pour les parasites de la fonction publique. Je ne dis pas que tous ceux qui travaillent dans la fonction publique sont des parasites, je parle de ceux qui sont objectivement des parasites dans la fonction publique, de toutes les clientèles des politiciens qu'ils arrosent avec l'argent du peuple français. Bon. Si on réduit les taxes, on réduit les opportunités de pomper le système, du coup, c'est toute la gauche qui s'écroule. C'est toute la gauche qui s'écroule. Et leur grande ficelle, c'est de dire non, non, non, non, non, c'est un faux sujet. C'est un faux sujet, c'est une mauvaise question. Faut pas parler des idées de baisser les taxes. Non, c'est une mauvaise idée, là, baisser les taxes, c'est très, très, très, très con. On va augmenter les taxes des autres. Regardez, regardez votre voisin, il en a plus. Ah, on va augmenter les taxes chez lui. Vous voyez, c'est intéressant, ça, non? Oui, voilà. Ah bah, les gauchistes, c'est toujours ça. Hein. Astérix, qu'est-ce que tu veux nous dire de Il y a une chose de ces importante revendications qui reviennent? il y a une chose importante auquel les juifs qui prétendent diriger ce pays, enfin, qu'ils dirigent malheureusement, mais auquel les juifs n'ont pas pensé, c'est que dans un État matérialiste, 100% individualiste et matérialiste, qui nous ont vendus, hein, parce que c'est eux qui nous ont vendus comme ça, en réalité, ça va se retourner contre eux, parce que le problème, c'est que quand il y avait une crise avant, comment les juifs rebondissaient? Ils rebondissaient en créant une guerre, parce que les gens, l'homme, avant d'être un estomac, c'est un être spirituel qui a besoin d'idéaux et tout ça. Donc les juifs pouvaient que lui vendre une guerre contre le nazisme, une guerre contre le bolchevisme, une guerre. Ils arrivaient à sortir de la crise par une guerre. Ou alors ils sortaient par une. Enfin, là je pense qu'à la guerre, mais je pense qu'ils ont trouvé d'autres solutions. C'est-à-dire que l'homme étant un être spirituel, il pouvait dépasser les problèmes matériels qu'ils imposaient au peuple en leur vendant une espèce d'idéologie pour gogoï. Mais là, on est tous devenus des estomacs sur pattes, là. On pense plus qu'à bouffer, qu'à baiser. Et donc quand tu vas priver toutes ces gargouilles de bouffe, elles vont devenir, ça va être les gremlins une fois trempés dans l'eau, quoi. Ils vont tous devenir cinglés, quoi. C'est très juste, très bien observé ça. Ouais, là, il n'y a plus de question d'idéal, de grandes idées. Hein. Là, c'est vraiment, je veux bouffer. Si j'ai pas ma ration, ça va pas se faire. Pierrot. Après, rares sont les mouvements populaires qui prennent de l'ampleur et qui arrivent à perdurer si jamais il n'y a pas une notion de très, très terre à terre comme ça. Les gens, ils se battent rarement à faire des Se dire. révolutions si jamais ils n'ont pas un intérêt premier. Donc on peut pas espérer non plus à ce que, je sais pas, tout le mouvement des gilets jaunes dira c'est pas bien parce qu'ils vont pas se battre juste pour des idées philosophiques et tout. Le peuple, il est comme ça, faut pas trop en demander non plus, quoi. Faut pas vraiment faire la fine bouche. Je lis un peu des fois aussi ça sur les réseaux sociaux, les gens qui font la fine bouche parce que ils estiment que le mouvement est pas assez intellectuel. Non, c'est trop demandé là, on est un peu trop surréaliste. Bah c'est des gens qui, on voit, ils sont pas habitués, en fait. C'est pas des politiques, en fait. Le politique a compris que la masse ne bouge pas, il bouge, la masse bouge sur des choses extrêmement élémentaires. Hein. Je sais pas Avant, non. si. Oh, si, si. L'homme ancien pouvait être mobilisé pour des causes au-delà de son estomac, quoi. C'est pour ça, moi je ne critique pas non plus Pierrot, hein, mais je dis juste que là, ils vont pas pouvoir. C'est parce que vous savez, à chaque fois, c'était leur technique, quoi, de lancer une guerre quand le pays n'avait plus de quoi bouffer. Ils disaient c'est à cause de machin, et puis en plus Oui. en vendant une idéologie et tout, et puis les gogoïs se battaient, les gogoïs s'entretuaient, quoi. Puis ça fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Et... Oui, ça, il faut bien le souligner. Hein. C'est vrai qu'en fait, si vous voulez, il y a la dialectique révolution-guerre, guerre-révolution. Alors, guerre-révolution, c'est la révolution russe, ne l'oubliez pas. Le tsarisme honni par les juifs rentre dans la Première Guerre mondiale. International juive, New York, la révolution bolchevique, d'accord. Et ça donne Trotsky itinérant un petit peu partout jusqu'à New York pour collecter des fonds, revenant, etc. Et ça donne la révolution de 1917 et ensuite 1918, par exemple. Donc là, c'est la dialectique, comment dirais-je, guerre-révolution. Mais vous avez le phénomène inverse, comme l'a très bien dit Astérix, où là, si vous voulez, on projette face au mécontentement interne, on projette vers l'extérieur, en fait. Ça, c'est très commun. Et ceux qui maîtrisent les masses le savent et le savent très très bien. Alors, je voulais quand même tourner en dérision, qu'il faut quand même le faire, cette droite bourgeoise au service des juifs, avec laquelle, je veux le souligner, nous n'avons rien à voir. Parce que moi, je ne me reconnais pas du tout. J'ai vu ça, mais alors, toute la journée, des gens, l'extrême gauche, ils sont violents. D'abord, Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France. C'est pas parce qu'il y a des violences à Paris qu'il faut résumer un mouvement à Paris. Donc, vous avez vu des choses à Paris ? Oui, ça se passe à Paris. C'est pas la France. Oui, c'est-à-dire que même s'il faut distinguer, comme on l'a fait, les bougnoules qui viennent faire leurs courses de Noël les types qui vont aller brûler des bâtiments, on ne sait pas trop pourquoi, bon, ça c'est les antifas, quoi. Hein. Il faut pas non plus tout mettre dans le même sac au prétexte que c'est violent, c'est mal, quoi. Hein. On a vu ce qu'a donné la manif pour tous. Un million et demi de personnes dans la rue. Résultat, absolument rien. Les PD se marient, ils vont bientôt adopter. Et vous vous êtes fait taper dessus par les CRS. Vous étiez bien sage en allant dans les stations de métro où on vous a dit d'aller. Et ben voilà, ça ne sert à rien. C'est ça. Hein. C'est ça. Et là, on n'est pas de la même race. C'est-à-dire qu'on n'est pas de la race de Dornelas. Voilà. On n'est pas de la race de Bastier, et on n'est pas de la race de toutes ces cuisinières là qui se piquent de politique, de tous ces vieux bourgeois là qui tremblent, etc. Écoutez, nous on est du peuple. On est du peuple. Le peuple, il est parfois méchant, dur, il cogne. C'est comme ça. Ces gens-là, c'est des bourgeois avec un balai dans le cul. Moi, la Dornelas là avec sa gueule, je peux pas me la voir en peinture. Elle est sur BFM Drahi. Elle parle chez les juifs. Ça veut dire que les juifs veulent que cette espèce d'idiote de catholique parle pour représenter les blancs. Voilà, elle est cooptée par les youpins. Ok ? C'est ça, cette droite de merde. Ces gens, c'est les mêmes qui, dès qu'ils entendent nègre, comment ça, nègre ? Voilà, écoutez, ce sont des gens qui couchent avec les juifs. Ils couchent avec. Ils bouffent avec. Ils vivent avec. D'accord ? Quelqu'un qui est vraiment du peuple ne s'approche pas, mais à 100 mètres d'un juif, d'accord ? Ça n'est pas possible, d'accord ? Ces gens, il a un procès pour trouver un avocat, parce qu'il y est obligé. Mais... Voilà, et encore. On a toute cette droite en juive jusqu'au trognon. Ils peuvent pas vivre sans leur juif. Ils ont besoin de leur youpin. Ils ont leur youpin sous leur oreiller. Ils l'ont, il est en dessous, là, sinon ils n'arrivent pas à fermer l'œil. Ils ont besoin de ça, ok ? Que ferait Jenny Bastier sans Eindhoven, hein ? Voilà, c'est ça. Donc ces gens, qu'ils aillent se faire enculer, ok. La droite du mouvement, truc, on s'en fout. Il faut être du côté du peuple, du vrai prolétariat, dans aussi sa plouquitude, dans sa rusticité, dans sa violence, dans son aspect le peuple, c'est pas un truc comme ça qu'on trouve dans le peuple. Ça pue le peuple, ça parle mal, le peuple ça veut en découdre. C'est comme ça, il est comme ça. Soit vous en êtes, soit vous en êtes pas. Ça s'invente pas, un truc comme ça. Il y a que les juifs comme Goupil qu'on a vu se donner en spectacle à la télévision là, les youpins, ça c'est fascinant ça. Les youpins de 68, comme Bernard-Henri Lévy, Goupil et compagnie, là, qui arrivent pour donner raison au CRS en 2018. 50 ans après mai 68. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé entre-temps ? Si, les Juifs ont pris le pouvoir. Donc évidemment, ils vont encenser les CRS, puisqu'ils défendent le pouvoir juif. Ok ? Et ils ont même leurs catholiques à la con qui sortent de la messe pour défendre ce système juif. Il faut foutre tout ça à la baille, il faut foutre tout ça à la mer, on n'a pas besoin de ces gens-là. Bon. Donc moi, quand je vois des gens qui sont là, « Oui, il y a de la violence, et ah oui, ah, c'est con, l'histoire c'est violent. » C'est con, hein. C'est drôle. Mais ces gens qui nous cassent les burnes, matin, midi et soir, en nous disant « Regardez cette gauche éducative qui caviarde les manuels d'histoire française. » Ce n'est pas des manuels d'histoire française, c'est simplement un pâle reflet de ce qui s'est passé dans le passé. Et quand vous regardez ce qui s'est passé dans le passé, vous apprenez quoi ? Que les gens sont violents. Et que c'est comme ça que l'histoire avance. Donc quand vous avez ces espèces de cuisinières, là, de bobonnes qui sont échappées grâce à la vertu des juifs médiatiques et qui peuvent commencer à baver sur un mouvement en disant « Oui, mais ça n'a rien à voir avec la droite parce que c'est les gens d'extrême-gauche, machin. » Parce qu'ils ont cramé des Porsches d'Ashkenaz, mais que ces gens aillent se faire foutre. D'ailleurs, à ce titre, Gandalf, on l'a souvent critiqué ici, mais je pense qu'on a tous quand même eu beaucoup d'estime pour lui. Et puis, en mauvaise santé, on regrettera très longtemps Le Pen, qui, lui, était du peuple. Lui, il n'hésitait pas à cogner un journaliste, un rouquin, là. Je vais « Hey, le rouquin ! Je vais t'attraper, le rouquin !» Ouais, je me rappelle ça, bien. C'était, voilà. Lui, il nous parlait, quoi. C'est pour ça qu'on l'a aimé, malgré ses erreurs, quoi. C'est pour ça qu'on l'aime toujours. Alors, je vous cite Éric Brunet, là, représentant de cette droite. Représentant de la droite chez les Juifs, chez Drahi. Ouais, chez les Juifs, voilà, que je ne peux plus, ça. Alors, on parlait de son passé tout à l'heure, hein. Il a été militant au GUD à Nantes. Hein. Ouais, bah, il a bien changé. Petit tour dans le 16e, 17e, 8e, premier arrondissement, chez le peuple. Je n'aurais jamais imaginé qu'un désastre semblable puisse advenir dans ma ville. Suis écœuré, dégoûté, choqué, meurtri. Voilà. Et il cite Le Monde, hein. C'est-à-dire qu'il retweet le journal Le Monde de la Banque Juive. Non, mais moi, je peux plus. Je vous le dis, je peux plus. Et je suis censé. Alors, cette droite en juivet nous commande d'haïr les Black Blocs. Moi, je vous le dis tout de suite. Ok, là, je vais parler du fond du cœur. Tous ces antifas de merde nous pourrissent la vie à longueur de journée, à longueur d'année. La moindre manif qu'on fait, ils viennent vers nous casser les couilles pour le compte du pouvoir, objectivement ou subjectivement. Bon. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que les Black Blocs aillent cramer ces quartiers à juifs du 16e arrondissement ? Je suis censé pleurer, moi, quand il y a une Porsche de juifs qui crame ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Okay. Ce gros bourgeois qui doit palper je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros parce qu'il raconte de la merde, parce qu'il tapine, en fait, pour l'UMP et cette droite juive, ramener l'électorat en masse pour cette escroquerie, parce que ce mec-là se sent mal, parce que quand il va se balader en bagnole, il y a eu 3 poubelles renversées, je suis censé sympathiser avec cette espèce de fiotte. Brunet, tu es une pute. Tu es une pute à juif. Tu suces pour les juifs. Tu es une immonde ordure. On n'a rien à voir avec ces gens-là. Moi, je suis désolé, on est beaucoup plus proche. Pas de l'extrême gauche. Pas idéologiquement, pas idéologiquement. On ne combat pas du tout pour les mêmes choses. Oui. Ces gens-là nous cassent les burnes H24. Rappelez-vous l'affaire Méric, tout le numéro qui est, à quel point ils ont été protégés par le système. D'ailleurs, comment les juges ont détruit la vie de nos camarades. Un était acquitté, mais deux ont été ignoblement condamnés pour le compte des antifas. Mais je suis désolé, je veux dire, je préfère une extrême gauche qui va au contact, plutôt que cette espèce de droite qui est scandalisée, parce que quand même, rendez-vous compte, on a renversé une table sur un café, mais que faire dans mon 16e arrondissement, mon premier arrondissement ? Brunet, grosse merde, sale fiotte à juif, va te faire enculer. Et je pourrais continuer comme ça indéfiniment. C'est indéfiniment, vous avez toute cette droite qui est là, oui, mais c'est pas nous, etc. Au secours, quoi. Au secours, au secours, au secours, au secours. Les bourgeois, les têtes froides, des gens qui ont des choses à perdre. Quand tu as des choses à perdre, eh ben, tu deviens une fiotte. Voilà, c'est ça. Ils ont des choses à perdre. Ils regardent leur banque et c'est pas les gens de chez nous. Je suis désolé. De toute façon, hein, dites-vous bien, voilà, si vous en êtes arrivé au stade où voir une Twingo brûler vous suscite chez vous des vapeurs, arrêtez la politique, arrêtez tout de suite, oubliez toutes ces questions-là, bossez faites du golf. Voilà, c'est ça, voilà. Mais ne vous piquez pas de tic. Si vous avez des vapeurs, dès qu'il y a un véhicule qui brûle, vous n'êtes pas fait pour ce type de combat. Hein. Vraiment, hein. Franchement, je vous le dis, voilà. Qui d'autre là-dessus? Moi, je suis en furie, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais il nous faut. Ça, c'est ouais, non, on n'en peut plus. Alors, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. C'est que on a des gens dans la rue, les lambda, j'en parlais tout à l'heure dans la première partie. Des vieilles qui disent ouais, non, mais bon, écoutez, il y a des voitures qui crament, ça tape des CRS. Oui, bon, mais écoutez, il faut qu'on se fasse entendre, c'est comme ça, voilà. Et là-dessus, tu as des gens, là, l'opinion qui, en gros, bon, n'a plus le réflexe de dire ah oui, quand même, oui, la violence et tout, hein, d'avoir ce réflexe-là quand on lui tend un micro. Par contre, les acharnés de la propreté de l'espace public, que sont la droite bourgeoise avec ces mégères là qui passent sur les télévisions, ben eux ils sont là à défendre leur bout de l'art. C'est proprement pornographique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'un côté, tu as des gens du peuple qui n'arrivent plus à survivre, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ok? Et de l'autre, t'as des gens qui disent j'ai un problème olfactif visuel avec du désordre dans mon quartier. Ok. Ce sont deux populations qui s'excluent mutuellement. Si votre thématique à vous, c'est d'avoir des voitures bien rangées au bord de la rue, mais pas de savoir que des gens de votre peuple n'arrivent plus à s'en sortir à la fin du mois, vous appartenez au camp de l'ennemi. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes un ennemi. Voilà. Si votre problème, c'est une bagnole renversée au coin d'une rue, vous votez Macron par procuration. Vous allez dire, ouais, il faut de l'ordre, il faut de la police, il faut... Voilà, bah, barrez-vous, on veut pas de vous. Si vous êtes sincèrement soucieux du sort du peuple, à ce moment-là, c'est de savoir si des familles avec des gosses vont arriver à la fin du mois à joindre les deux bouts. Ça va être ça, votre thématique. Mais ça s'exclut. Je veux dire, ça s'exclut. Si votre souci, c'est esthétique, c'est de savoir si les bagnoles sont bien comme il faut, si voilà, les poubelles sont bien rangées, machin, etc. Bon, très bien, mais barrez-vous chez Macron. Arrêtez de vous raconter des histoires, quoi. Vous êtes de droite, de gauche. Non, vous préférez Fillon avec sa raie sur le côté à Macron parce qu'il a la raie sur le mauvais côté ou machin, ou avec sa rombière. On n'en sait rien. Mais c'est quand même les mêmes gens. Je veux dire, c'est ça. En fait, c'est des faux partis d'opposition. Ils sont même pas divisés. En fait, ils sont d'accord sur tout. Ils sont d'accord sur tout, ces gens. Donc, y a ça. Et puis, comment dirais-je, je pense qu'il faut vraiment, là, il faut renverser la table. C'est plus possible. C'est plus possible de se faire prendre en étau par l'aile droite de ce système juif. Moi, je ne veux plus entendre parler de Dornelas, de Bdier, de traînés du même genre qui font le trottoir pour la youpinerie. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus entendre parler de Wauquiez et de sa tête à claque, ça ne m'intéresse pas. De Marine Le Pen, qui est conne comme ses pieds, tellement conne qu'elle est inaudible alors qu'il y a des avenues entières en face d'elle, on ne l'entend pas. Elle est là avec ses lunettes, machin, elle déambule, on ne sait pas ce qu'elle fout, elle visite, je ne sais pas. Il va falloir tout recréer, et si vous en êtes arrivé à maudire l'extrême gauche parce que les types ont un peu plus le sens de l'initiative que vous, qui sont un peu plus malins et organisés que vous, ben faites un travail d'introspection. Mais n'allez pas maudire des gens qui sont meilleurs que vous, plus efficaces que vous, parce que vous n'arrivez pas à faire ce qu'ils font. Parce que ça, c'est la mauvaise façon de voir un problème. Hein. Enfin, c'est la façon nègre de voir un problème, en fait. Voilà. À titre personnel, ça n'engage que moi, et quand tous ces bourgeois de droite se sont offusqués parce qu'il y a une préfecture qui a cramé sous l'initiative de Gilets jaunes, vraisemblablement. Ouais. Ces gens ont des réflexes. Voilà, en Haute-Loire. Donc, croix de fer, déjà, on peut dire, hein, pour ces gens-là. On pourrait penser, oui, la crédibilité, c'est la non-violence. Bon. Il y a eu cette ligne-là qui a été adoptée, lors de la Manif pour tous. Donc, lors de la Manif pour tous, pour avoir vécu ça, bon, bah, effectivement, les gens étaient pacifiques, que c'était... des gens de province qui se déplaçaient, et puis ils ont parcouru le pavé, ils ont battu le pavé, et puis il ne s'est rien passé, sauf à quelques endroits très particuliers où là, il y a eu quand même un petit peu de violence. Mais finalement, ça n'a pas eu d'influence, donc ça reste que ça, ça devrait nous appeler à changer de stratégie. Et après, c'est vrai que sur les violences elles-mêmes, il faut distinguer. Moi, la violence qui me choque, c'est quand on frappe des gens faibles. Et c'est arrivé, précisément, mais c'est arrivé, notamment l'image que vous avez tous vue, sans doute le CRS qui gaze de près une dame de 70 ans au moins, voire plus. Et là, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, précisément, c'est pas les Gilets jaunes. Dans leur ensemble, les gens de la province qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui ont fait preuve de violence, c'est les CRS qui reçoivent des consignes très particulières, qui ont gazé des personnes âgées, faibles, et voilà, probablement. Allez, je vais raconter une petite anecdote, Gandalf, tu me diras si c'est hors sujet ou pas. Moi, je voulais parler de la fébrilité du pouvoir actuel, et le fait que c'est le moment de pousser. Anecdote du quotidien, démocratie participative, on voit ce reporter sur le terrain. Tout à l'heure, je suis allé en ville, dans une grande ville de France, et on reprécise, donc on enregistre l'émission, on est dimanche, il n'y a pas d'événement particulier par rapport aux Gilets jaunes, et moi j'ai trouvé qu'il y avait des forces de sécurité diverses, très nombreuses, et vraiment un peu disproportionnées. À ma connaissance, dans cette grande ville, vraiment il n'y a pas eu d'événement particulier par rapport aux Gilets jaunes, ou alors vraiment des trucs classiques, quoi. Je suis allé au centre-ville où il y a plein de commerces et puis de restos, etc. J'ai croisé des agents de sécurité privés qui protégeaient les boutiques. Ok. J'ai croisé la police municipale qui patrouillait en plein après-midi, etc. Je l'ai croisé à deux reprises, alors que d'habitude ils sont plutôt discrets, mais bon, à la limite, pourquoi pas. J'ai croisé des gendarmes mobiles avec leurs véhicules qui étaient à des intersections et qui étaient assez nombreux. En repartant d'ailleurs du centre-ville, j'ai croisé un autre convoi de plusieurs véhicules, un peu moins d'une dizaine, assez nombreux. Je sais que ça ne doit pas être en mode parano, mais je me suis dit, bon, c'est quand même disproportionné et tout. J'ai croisé aussi la patrouille les militaires là, qui font les patrouilles, comment ça s'appelle, excusez-moi. Sentinelles. Ouais, les sentinelles, donc les vigipirates, c'est le mot que je cherchais. Donc là, j'ai croisé deux patrouilles, donc une patrouille trois bonhommes, et avec un, donc ça fait déjà quand même beaucoup, et surtout dans un élément que j'ai repéré, que peut-être que beaucoup de gens, quand ils voient les patrouilles sentinelles, ils font pas gaffe et tout. Moi, je regarde un peu parce que je connais un peu les procédures et tout. Et j'ai remarqué quelque chose qui est clairement inhabituel, c'est qu'en fait, l'arme des militaires était, il y avait le chargeur dessus. Alors, je sais pas si l'arme était chargée, approvisionnée, j'en sais rien, je pense que non. Mais ça, le fait qu'il y ait le chargeur sur l'arme, c'est quelque chose vraiment d'inhabituel. Dans une procédure normale, en fait, les forces c'est pas une force d'intervention, en fait, sentinelle. Une force de dissuasion, c'est pour rassurer le peuple, que l'État montre ses muscles, etc. Mais c'est pas quelque chose les gens vont décider d'intervenir. Donc c'est normal que, on mette pas les munitions à disposition des soldats parce qu'ils disent, bon, ils font un calcul tout simple. Normalement, ils ont le truc, mais qui est dans la poche, quoi. Ouais, et là ils avaient leur j'ai repéré ça, donc le chargeur sur l'arme, et sur leur gilet de combat on pouvait voir il y a les emplacements où on met des chargeurs supplémentaires, et donc là d'habitude les emplacements sont vides, donc ça fait un plat, mais là il y avait quelque chose dedans, je pense que c'était effectivement des chargeurs en plus qui portaient sur eux. Je me suis dit, est-ce que l'État ne serait vraiment pas en train de se chier dessus, tout simplement? Bien sûr, d'être assez fébrile. Je pense que c'est une anecdote à la con, peut-être que je suis parano, complotiste, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un élément supplémentaire qui me fait... je trouve, du point de vue de l'État, c'est pas rassurant, non, mais... je pense qu'ils sont alors pas... Alors après, ça normalement c'est le plan... ça remonte à l'OM, mais c'est le rouge ou l'écarlate. Alors je sais pas si on est toujours en écarlate, parce que depuis Charlie Hebdo, je pense c'est pas qu'ils, très clair. Je pense, et Castaner en a parlé, il envisage l'état d'urgence. Oui, ils l'ont annoncé d'ailleurs, effectivement. Cette république, là, ils en parlent tout le temps, la république, république, république, la république, elle est tellement forte, la république, elle impressionne tellement tout le monde, qu'il y a trois émeutes, l'armée est dans les rues, ils savent plus comment faire, ils se chient dessus, ils ont les armes chargées. Ce régime est perdu, il est fini, bon, combien de temps ça va prendre, 15 ans, 30 ans, 50 ans, j'en sais rien, mais c'est un régime qui est en train de crever, il crève la gueule ouverte, et le moindre soubresaut, ça y est, c'est fini, donc voilà, c'est tout ce qu'il faut en retenir. Quelqu'un d'autre là-dessus, ou sur autre chose? Non, mais Fulbert, écoute, j'ai envie d'interroger Fulbert. Allez, Fulbert, Fulbert. Tu vois ça depuis l'extérieur. Tu vois toutes ces choses se dérouler, etc. On en parlait abondamment. Qu'est-ce que tu veux nous dire en synthèse ? En synthèse. Bon, bah écoute. D'abord, je voudrais répondre à ce qui a été dit il y a deux minutes. En Belgique, les militaires ont reçu des munitions réelles à partir d'un certain moment, d'une certaine date que je ne saurais pas vous dire. En France, dans le passé, un officier de troupes un peu particulières m'avait un jour confié, parce que j'étais surpris qu'il disposait en exercice de munitions réelles, il m'a dit, mais on passe notre temps dans les bois, par petits groupes de deux, on est isolés. Si quelqu'un nous tombe dessus, alors que, bon, on s'assoupit ou quoi, il faut qu'on puisse défendre les armes qu'on possède. On ne peut pas nous prendre nos armes. Et ça m'étonnerait que des gens d'un vigile pirate, des militaires ou quoi, n'aient pas des munitions réelles. Franchement, j'en serais surpris. D'autant plus que vous avez vu qu'on a volé un fusil d'assaut, c'était hier ou avant-hier, oui, je ne sais plus. Samedi, samedi, donc c'était un HKG-36 volé dans un camion de police. Voilà, donc il est illogique que des militaires n'aient pas de munitions réelles, sur le fond, quel que soit le cas. Bon, pour ce qui est de la situation, la synthèse que tu me demandais, moi j'ai un petit peu la sensation, ou alors peut-être que je rêve, hein, peut-être que je prends mes espoirs pour des réalités, mais j'ai l'impression que les populations, je dis les parce qu'il n'y a pas que la France, faut aussi savoir que le mouvement des Gilets jaunes s'est étendu à la Belgique, à Wallonie francophone d'abord, il est passé en Flandre, maintenant il est en Hollande dans 8 villes. Bon, ça ne déborde pas encore en Hollande, parce qu'en Belgique ça a débordé, hein, et sec, hein, et que voiture de police enflammée et tout le tremblement, ouais. Le grand jeu, quoi. Mais ça s'y trouve, ça se trouve aussi en Allemagne. On voit dans des manifestations des gens qui manifestent, par exemple, j'ai vu tout à l'heure à Berlin, une manifestation contre la fameuse signature du pacte des migrations par l'Allemagne, une manifestation de plusieurs milliers de personnes, et dedans on voyait de ci de là des gens qui avaient revêtu un gilet jaune. Donc l'idée est passée. Alors je me demande, quelque part, si ces populations-là n'ont pas commencé à comprendre ou observer que dans leurs pays respectifs, eh bien, il existait deux sortes de, comment dirais-je, de partis. Une partie populaire, le peuple, dans son ensemble, grossièrement, et l'autre partie, qui est en fait une caste, qu'on ne peut même plus qualifier de politique, parce que quelque part, on y retrouve de tout. On y retrouve des politiques, bien sûr, de gauche, de droite. On y retrouve des syndicats. On y retrouve parfois des institutions. Le mot est peut-être un peu gros, mais ce n'est pas faux. Je pense, par exemple, aux militants dans l'éducation nationale et ailleurs. Et l'un dans l'autre, je pense que ces gens ont compris que il n'y a plus cette caste a suffisamment dirigé les nations, elle a suffisamment pris le dessus et décidé de la façon dont les peuples devaient vivre et que ces populations en ont marre. Moi, je crois qu'on en est là, tout simplement. Qui d'autre ? On espère que ça va continuer tout ça. Là, samedi, c'est apparemment reparti. C'est l'Élysée. C'est l'Élysée. On n'a pas assez dit que Macron, ces deux dernières fois, est allé se barrer à l'étranger comme une fille. Il s'est barré à l'étranger. Ah oui, oui. Il y a deux semaines, c'était. Enfin, non, il y a une semaine, du coup. C'était en Allemagne, je crois. Hein. Je ne sais même plus. Et là, il était au G20, en Argentine. Je peux pas, j'ai piscine. Voilà, j'espère que la semaine prochaine il sera en Israël, hein, au moins qu'on fasse. Ah oui, oui, oui, voilà, ouais, qu'il avoue. Qu'on fasse des crimes. Hein, bon. Le petit numéro aujourd'hui, dimanche, sur l'Arc de Triomphe, se faisant huer comme une merde par les bourgeois du 16e, c'était quand même assez beau. Hein. Et puis son discours depuis l'Argentine. Il fait président africain, c'est-à-dire qu'il tient plus son truc, il peut tomber d'une minute à l'autre. Hein. Bah en fait, de toute façon, il est en qu'il y reste ou pas. Moi, je veux dire, moi, je suis le partisan du supplice chinois, donc je veux qu'il reste président en fait. Moi, plus c'est long, plus c'est long, plus c'est bon. Il faut que ça dure, il faut que ça soit interminable, que le type n'ait aucune autorité, respecté par personne, n'entendant rien. Je vois des gens qui disent oui, on veut une dissolution. Ils disent, une dissolution, ça c'est les partis bourgeois, les partis juifs qui veulent ça. Oui. Pourquoi? Pour reprendre la main, bien sûr, évidemment. Ils veulent court-circuiter Macron, mais pour mieux nous recaler les mêmes vieux partis du système qui feront exactement la même politique, dissolvant par ailleurs la colère populaire. Les socialistes et républicains qui sont en embuscade, toujours les mêmes partis juifs du système. Toujours les mêmes. Alors qu'ils font, les mecs des républicains qui sont plus à droite que l'extrême droite. Sur qui, t'as l'impression d'avoir Himmler en face de toi. C'est incroyable. Bien sûr, une fois qu'il sera à truc, il dira mais la rue ne commande pas, machin. On connaît. La rue ne commande pas, et puis des gentils arabes, marocains voilà. aussi. Voilà, donc toute cette farce démocratique, cette farce républicaine, tous ces partis juifs, ces syndicats juifs, à la solde de la finance, toute cette merde doit gicler. Indifféremment, il faut vraiment. On a franchi un cap. Alors bien sûr, peut-être qu'ils vont réussir à étouffer le truc, le bis. Bon. On a quand même eu des préfectures en feu dans la Haute-Loire. C'est un phénomène insurrectionnel inédit. On a des péages anéantis. On a en Dordogne, j'ai vu ça, 80% des radars qui sont pulvérisés. 80% Champagne. Des radars en Dordogne, mais 80% des radars détruits par le peuple. Gandalf, est-ce qu'on peut décerner une croix de fer en général pour ces gens-là? Oui, ah bien tiens, sûr. Il y a une croix de fer en particulier là, qu'on décerne. Sur la BBC, voilà. pour un haut fait. On cite ce haut fait et on se retrouve. So it's that 50% of the population who feel that they're not taken into account. And who feel that their poverty, growing poverty, is not being listened to in Paris. Voilà, Macron pute à juif sur la BBC. Voilà, Macron pute à juif. Le monde anglophone est au courant. Hein, voilà. C'est ce qui se passe en France. Ici, il connaît la situation. Le président de la République est une pute à juif. Bravo. Bon, ce président est fini. Bon, il est fini. Maintenant, la question, c'est le 8 décembre. Le syndicat des francs-maçons et des juifs, l'UNSA Police, a dit qu'il faut interdire la manifestation. Alors, déjà qu'elles ne sont pas déclarées, je ne vois pas bien qu'est-ce qu'ils vont interdire. Oui. Castaner appelle à l'état d'urgence. Bah, rebelote, des manifestations interdites un peu partout qui ont lieu quand même. Bon, sauf à se déconsidérer complètement, je ne sais pas. L'appel à l'armée. Ce 8 décembre risque d'être assez drôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, oui, j'ai hâte. Hein. Hein, ça risque d'être pimenté. Bon, on va voir. Mais il faut être à 100% derrière ce mouvement des Gilets jaunes. Et comme tout mouvement populaire et populiste, tout le monde ne pense pas comme son voisin. Donc c'est pas étonnant. On aura des gens d'extrême gauche, des gens apolitiques, on aura des gens d'extrême droite, on aura des gens de tout qui viendront dans ce mouvement avec leur motivation particulière, et c'est sans aucune espèce d'importance. Donc quand vous entendez des gens couper les cheveux en quatre parce que c'est pas comme c'est pas truc, on s'en branle. Ce qu'il faut, c'est que cette République juive tombe. Amen. Si elle tombe, tout à l'heure, certains intervenants ont bien exposé le fait que Les Juifs avaient cette manie, cette facilité d'établir des politiques de contre-feu lorsqu'ils avaient des problèmes quelque part, et provoquaient, se faisant, des guerres, etc. Bon, où vont-ils aller maintenant? S'ils sont détectés en Allemagne, en France, en Belgique et ailleurs en Europe, où vont-ils aller? En Chine? En Laponie? Je les plains. Moi, je les plains pas. Oui, ils iront en Israël. Quand je dis que je les plains, je suis un peu hypocrite. Mes amis, visiblement Bernard-Henri Lévy et toute la juiverie médiatique est niquée, c'est positif. Continuons comme ça? Ah ouais, allons-y à fond. Vive le mouvement des Gilets jaunes et pourvu que ça dure. À la semaine prochaine, les amis. Moi, je gagne 1 700 € par mois. Voyez, je suis pas le plus pauvre, hein. J'arrive pas à m'en sortir. C'est pas France de propriétaires, Sarko, Chirac. C'est 30 ans, hein. Macron, c'est pas que toi, hein. Toi, tu continues. Alors, tu vas arrêter de bosser pour l'Europe. Pour Juncker, là. Moi, je le dis, Juncker, là, qui est dans son grand château. Parce que moi, j'appelle le peuple européen à se relever. L'Europe. Toute l'Europe. Les Allemands, relevez-vous. Mais tout le monde, relevez-vous, parce qu'on bosse tous pour cette putain d'Europe. On nous met tous à mal. On va tous finir comme les Grecs, là. À la botte de la finance? Bien sûr, tous comme les Grecs. Moi, voyez, moi, je suis à 1 600 € de découvert. J'ai demandé un découvert prolongé à ma bancaire. Voyez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est pas possible. Alors, on fait comment? C'est les banquiers. Ouais, moi, je vous le dis, la finance, les banquiers. Macron, c'est un pantin, Macron. Macron, c'est une truffe, je te le dis, Manu. C'est qu'une triste même un pas droit dans le cul. De toute façon, la banque, ils t'ont mis la main. Ils t'ont mis la main dans le couffion. Moi, je te le dis, mais je vais continuer à me battre jusqu'au bout. Dis-toi bien, jusqu'au bout, ma gueule. J'ai 4 gosses. J'ai 4 gosses. Et je vais t'envoyer en l'air. Dis-toi bien, aujourd'hui, là, tu vois, je suis là, là. Regarde, là, à moi tout seul, on était 10. Regarde, à moi tout seul. C'est moi, la Madeleine, Manu. Moi, c'est moi, la Madeleine. Regarde, Manu. La Madeleine, là, c'est moi tout seul, enculé. Je te dis enculé. T'es même pas mon président, je t'insulte. Tu vas te faire enculer, l'autre Premier ministre. Allez vous faire enculer. Vous savez quoi? On veut plus discuter. Soit t'allonges l'oseille, soit tu vas te faire enculer.